N'essayez pas de régler le volume de ce fichier sonore. Nous contrôlons tout ce que vous écoutez. Une nouvelle forme de divertissement est arrivée. Ceci est un podcast produit par Nerdstalk.net. Nerdstalk.net. Bonjour et bienvenue pour ce podcast numéro 12 du podcast Movies Nerd, j'en perds mes mots, enregistré le 16 décembre 2014. Que s'est-il passé ce mois-ci sur la planète cinéma? Vous allez savoir maintenant, c'est parti. Scene 1, Apple, take 1. Bonjour, bienvenue pour ce podcast 12 du podcast Movies Nerd. Podcast du mois de novembre avec toujours 15 jours de retard, même 16 jours, hein, si on veut être précis. Cette fois, je vais faire mon mea culpa parce qu'on avait enregistré le 9-12 à un autre podcast, enfin ce podcast même. Comme un gros boulet, j'ai pas vérifié l'enregistrement et ma voix est inaudible. Donc, allez-y, jetez-moi la pierre. Ça va, Eddie et Quentin, ils sont avec moi, Eddie et Quentin. Oui, comme d'habitude. Bonjour. Mais oui, on est là et bonjour tout le monde. Voilà. Donc, vous n'entendrez jamais ambiance. Ce premier enregistrement. Mais... On n'en veut pas. Non, ah. Ça peut arriver, c'est pas grave. C'est bon. Merci, c'est gentil. Mais je suis quand même un gros boulet, c'est pas grave. Mais c'est vrai que t'es un peu boulet quand même. Ouais. Je l'avoue. Hein. on va avoir pas mal de choses à parler durant ce podcast. On aura en premier le film du mois qui est Interstellar. Ensuite, on aura nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Le vidéoclub Movies Nerd sur le 2001, l'Odyssée de l'espace. Ensuite, les bandes annonces du mois. Et on commence tout de suite avec le vidéoclub Movies Nerd sur 2001, l'Odyssée de l'espace, où Quentin n'est pas là. Mais on le retrouve sur nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Should I loan you my car? I want to rent a movie. You want to rent a movie? I want to rent a movie. What's that for? You work in a video store. I work in a shitty video store. I want to go to a good video store so I can get a good movie. Bonjour et bienvenue au vidéoclub Movies Nerd. On est donc au vidéoclub Movies Nerd, cette fois-ci on le fait sur 2001 l'Odyssée de l'espace, puisque ça a un grand rapport avec le film du mois qui est Interstellar. Il y a beaucoup d'idées qui sont reprises dans Interstellar qui était dans 2001, l'Odyssée de l'espace. On va vous rappeler les informations, même si c'est pas super important. On sait que le réalisateur c'est Kubrick. Stanley Kubrick. Voilà, Stanley Kubrick. pour ceux qui connaîtraient pas. Stanley pour les intimes. Voilà. Ça parle d'une. C'est un peu difficile à expliquer parle, mais. C'est une expédition qui part vers Jupiter. Voilà. Parce qu'il y a eu ils ont découvert certains éléments dans l'espace qui pourraient les amener à faire une grosse découverte. Ouais. Donc voilà, ils partent vers Jupiter. Mais le film, c'est vraiment une partie film du film. C'est ça. Je te laisse parler d'abord du film. Alors, c'est un film qui est sorti dans les années 65. 65, et je confonds souvent, j'ai tout le temps envie de dire 68, mais c'est parce que je pense à la planète des singes qui est sur 68. D'accord. Donc, non, l'Odyssée de l'espace c'est 68, et tournage débuté 65. Voilà. Oui, parce que j'allais revérifier les infos parce que j'ai envie de me dire, c'est un peu bizarre. Je sais que comme l'homme a marché sur la Lune an après le film. Il faut se repérer à ça. C'est ouais. ça c'est ma date de. C'est vrai. Ouais. Donc, alors 2001, c'est un. Donc, c'est certainement le. Moi, je pense que c'est le Kubrick le plus. C'est l'un des plus connus parce que c'est par rapport à ce qui. C'est un jalon fondateur du cinéma de science-fiction. Et pourtant, c'est pas du tout la science-fiction qu'on voit aujourd'hui, ni ce qu'on a vu après. Hein. Star Wars, qui est sorti pas longtemps après, c'était pas du tout ça. Là, on est dans la science-fiction plus métaphysique, donc plus à la sauce interstellaire. Plus cérébral. Voilà, plus cérébral. Et c'est pas, comme certains se plaisent à le dire, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Hein. C'est pas du tout ça. Il faut arrêter d'avoir des préjugés comme ça. Kubrick il avait une vision bien à lui, c'est tout. Et il l'impose pas, il propose. Donc, déjà, on va parler de ça. C'est un film qui pose des questions. Qui donne pas forcément les réponses à ces questions, et c'est ce qui peut perdre un peu le spectateur, je pense. Mais moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, parce que du coup, c'est un film qui pousse à être, qui pousse à nous faire travailler au niveau de l'interprétation. Et évidemment, il y a des gens qui aiment bien avoir toutes les réponses tout de suite. Donc, allez voir Interstellar, parce que du coup, c'est un peu plus expliqué. Et c'est très beau aussi, mais c'est plus carré, Interstellar. Ouais. Tu restes pas tout le temps dans le flou. Et est-ce que là, dans 2001, tu regardes et tu écoutes surtout, et tu te fais ta propre interprétation. Pourquoi c'est un film qui a posé, qui comme ça est une espèce de pierre angulaire du cinéma science-fiction, c'est parce que déjà techniquement c'est un film très impressionnant pour l'époque. C'est un énorme travail au niveau des maquettes, au niveau des décors, au niveau du trucage. Là, on est vraiment dans un film de maniaque, c'est le cas de le dire. La Stanley Kubrick, c'est un truc de fou. Parce que on a vraiment, moi je l'ai revu pour les besoins du podcast. C'est vrai que t'as vraiment l'impression, et ça m'a fait la même impression que Gravity. Ça te donne l'impression qu'ils ont été tournés dans l'espace en fait. Puis après, c'est dans tout ce qu'ils proposent, c'est ce gros questionnement sur la place de l'homme dans l'univers, sur le pouvoir de la science aussi. Parce que là, à l'époque, c'était quand même assez visionnaire comme film. C'est sûr, aujourd'hui, ça l'est moins parce que 2001 s'est passé, hein, et c'est pas comme, évidemment, c'est pas comme dans le film. Mais en son temps, c'est vrai que Stanley Kubrick, c'est pas surprenant que les foules aient aimé le film parce que franchement, c'est vrai que c'était certainement pas des choses à laquelle les gens s'attendaient à l'époque. Donc, c'est très intéressant là-dessus au niveau de tout le savoir qui est exposé dans le film. Et puis ce qui est magnifique, c'est évidemment la mise en scène et puis le fait qu'il garde aussi tout le mystère. T'as vraiment l'impression t'es vraiment dans une chronique où tu sais pas trop où tu vas, mais tu y vas et tu te laisses bercer en fait. Donc voilà, moi c'est un film que j'aime énormément et fait partie de mon top 10 des meilleurs films de tous les temps. Et c'est toujours un plaisir de le revoir. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a des gens qui. C'est vrai que c'est marrant, mais quand on parle de 2001, on parle pas beaucoup de la partie. Tout le prélude préhistorique. Ouais, et pourtant qui est super. Passionnant, et surtout que. Il n'y a personne qui ouvre un film comme Kubrick, non. Pendant 30 minutes, il n'y a aucun dialogue. 20 minutes de grognement, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est... On ne s'y attend pas. Et c'est très intéressant, cette partie-là, plus particulièrement, la partie du prélude préhistorique avec les singes qui deviennent les premiers hommes, en fait, les Australopithèques. C'est très intéressant au niveau du détail. Parce que dans le vent, ça on peut le dire, ça spoil pas. Au début, les singes, il y a deux groupes de singes. Il y a celui que l'on suit, qui sont les en quelque sorte les personnages principaux de cette première partie, et il y a un autre groupe de singes que l'on voit et qui sont en fait leurs ennemis. Et en fait, ils évoluent, c'est des troupes de singes qui évoluent dans le désert, donc en Éthiopie probablement, là où on a les premiers ossements humains, et donc ils se battent pour un point d'eau. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'arrivé à un certain moment, il se passe quelque chose dans cette première partie, et donc le groupe de singes que l'on suit évolue, en quelque sorte, change. Et là, il y a des trucs très intéressants au niveau des détails. On voit notamment les singes qui se redressent. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est vraiment ça. C'est une vision vraiment propre à Kubrick, et c'est un petit côté naïf, et ça, on s'attend pas à voir ça chez lui. Lui, c'est un peu comme ça qu'il pourrait s'imaginer. Le savoir vient d'ailleurs, l'homme a évolué peut-être comme ça. Moi, j'aime bien tout ce questionnement, je trouve ça vachement intéressant. Et c'est vrai qu'au niveau du détail, on voit ces singes au début qui sont comme des singes qu'on a d'habitude, qui se déplacent. Qui se déplacent pas à quatre pattes mais en, sur, je sais pas comment on dit, avec les mains là, avec les pouces, ouais, ouais. Ils prennent appui sur leurs pouces, sur leurs doigts. Et là, ben, on les voit se redresser. Mais c'est même pas. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que dans le film, c'est pas montré. Tu vois, il y a pas. Enfin, tu vois. De toute façon, tu l'as vu. Mais il y a pas. C'est pas un plan. Voilà. On n'a pas un plan fixe du singe où on le voit se redresser tout doucement pour bien signifier que ça y est, il est devenu intelligent. Non, ça se fait tout naturellement. En fait, c'est à nous de le remarquer. Donc voilà. C'est pour ça que c'est un film que j'aime beaucoup, qu'il faut voir plusieurs fois. Revoir plusieurs fois. Ces petits détails-là, justement. Ouais. Et c'est... Bah, de toute façon, quand on est cinéphile, il faut avoir vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui. Donc, oui. Quentin, tu ne l'as pas vu, c'est Quentin ne l'a pas vu et... Oui, on parle sans lui, mais... Il ne l'a pas vu, mais il ne paie rien pour attendre. Mais quand il écoutera... Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, bon, on va faire vite, parce que... Ouais. Donc, je vais vite revenir un peu sur le film, même si tu as dit pas mal de choses. Dans mes notes, au début j'avais marqué Kubrick égale génie, je voulais juste laisser ça, mais après j'ai quand même un peu développé parce que ça irait très bien parce que s'il y en a vraiment un à qui on peut attribuer le terme de génie, je pense que c'est Kubrick. Voilà. Vraiment. C'est le seul génie de l'industrie. Ah oui, oui, il y a des bons réalisateurs, des excellents, des géants, mais lui c'est vraiment. Ouais, ouais. Du coup, moi je pense que c'est une des meilleures réalisations de tous les temps. Il y a des images qui sont restées gravées dans nos mémoires, intemporelles. On est encore étonné de les voir même en 2014, alors que c'est sorti en 1968. Comme je l'ai dit avant, c'est sorti un an avant que l'homme fasse le premier pas sur la Lune. Et quand j'ai su ça à propos du film, j'ai vraiment halluciné et ça m'a fait repenser à tout le film parce que je l'avais déjà vu avant de savoir un peu tous les détails sur le film. Et je me suis dit, ça a été fait au moins 3-4 ans après qu'ils aient marché sur la Lune parce que c'est pas possible de faire ça sans aller dans l'espace. Sans avoir. C'est vraiment super impressionnant et même maintenant on n'a même pas encore réussi à atteindre un tel niveau, même avec Interstellar, même avec Gravity. Après Interstellar montre pas les mêmes choses non plus. C'est vrai qu'Interstellar, dans 2001, il y a un moment où on se retrouve sur la Lune. Au niveau du détail, on a rarement vu ça, quoi. Mais même, je veux dire, les films sur justement la marchée de l'homme sur la Lune, Apollo avec Tom Hanks, c'est quoi, c'est Apollo 13, Apollo 14, Apollo 13, qui est très bon, hein, que j'ai un film que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce niveau de détail là, quoi. Et donc les effets visuels sont vraiment étonnants. C'est après tout ce que j'ai à dire. Concernant la réalisation, on pourrait dire des. Il y a des super plans. Chaque seconde est maîtrisée. Chaque seconde est. On sent que Kubrick est un maniaque de l'image, de toute la production du film. On sent qu'il a été derrière à fond et qu'il a vraiment donné tout ce qu'il avait sur le film. Et ça se ressent énormément. Du coup aussi au niveau des acteurs on en a pas parlé, j'ai pas dit leur nom parce que déjà je me souviens pas comme ça et puis le principal pas super intéressant, c'est Kier Dulea qui joue David, je pense. Bowman, je crois que c'est Bowman, hein. Bowman, ouais, ouais. David Bowman. La direction d'acteur chez Kubrick, Elle est brillante. Ah, fallait pas avoir peur d'aller jouer pour Kubrick. Hein. C'était un honneur, un honneur. C'est la même chose pour Jack Nicholson, c'est la même chose. Parce que Shelley Duvall, apparemment, elle a aimé tourner, elle a aimé jouer dans Shining, mais elle a dit que ça avait. Shining, mais elle a bien elle souffert, a dit que ça avait été très très dur. Hein. Kubrick, c'est un génie, mais en même temps, tout comme tous les génies, ils sont pas faciles à aborder. Je pense que ce film est un bon moyen d'approche au cinéma de Kubrick. Oui. Si vous voulez, moi personnellement, c'est le premier que j'ai vu. C'est le premier Kubrick que je voyais. Ouais. J'en ai vu beaucoup par la suite, mais c'est vrai que pour commencer, c'est peut-être le plus. Ouais. Ne commencez pas par Orange Mécanique comme moi, même si Orange Mécanique pour moi est son meilleur film. Alors que moi, j'ai beaucoup plus de mal. C'est certainement celui que j'aime le moins. Moi. Moi c'est mon deuxième c'est mon deuxième film préféré de tous les temps, donc vous pouvez commencer par Full Metal Jacket aussi. Ouais, Full Metal Jacket aussi, qui est assez abordable. Eyes Wide Shut, peut-être pas. Moi en fait l'idéal, je pense que ce serait Full Metal Jacket, et 2001, et après vous pouvez enchaîner avec tout. Avec Spartacus. Ouais, et mais tout ça, ça c'est après, moins c'est intéressant, pas... c'est un film de commande déjà. Ouais. Mais Les Sentiers de la Gloire, Spartacus, Barry Lyndon, Shining. Shining, faut pas y aller comme ça. Docteur Folamour aussi. Lolita, qui est très bien aussi. Lolita, et Eyes Wide Shut, vraiment dans les derniers avec Shining parce que, et Orange Mécanique parce que c'est les plus. C'est vraiment des films complexes, mais 2001, il a, c'est un peu le condensé de tout ça, mais ça, la forme reste abordable en fait. Donc voilà. Sinon le scénario, on en a un peu parlé, mais moi j'avais lu le livre avant de voir le film. J'ai eu la chance de lire le livre avant de voir le film. Déjà le livre pour moi c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction, en littérature. C'est vraiment un super bon livre. C'est Arthur C. Clarke qui l'a fait, donc c'est un spécialiste, il n'est pas scientifique, mais quasiment, parce qu'il a vraiment des connaissances super précises sur l'espace, sur les machines qui vont. On a des interviews de lui dans le Blu-ray du film, justement, parce qu'il a bossé avec Kubrick sur le film. Oui, il a bossé sur le scénario avec Kubrick, enfin l'interprétation de... l'adaptation, pardon, je suis en train de mélanger mes mots, l'adaptation du film sur, par rapport à son bouquin. Qui est sorti quasiment un an avant le film ou quelque chose comme ça, parce qu'il l'a écrit en même temps que le scénar, ouais. Donc il a un peu modifié quelques petits détails, mais sinon ça reste à peu près la même chose. Du coup, le film adapte super bien. Vu que tu as lu le livre, est-ce que par rapport aux questions qu'on se pose dans le film, est-ce qu'on a les réponses dans le livre? Ouais. Non, ouais. Pas du tout. On a les mêmes questions qui se posent. La fin est peut-être pas aussi hallucinatoire. C'est un peu plus expliqué. Il y avait quelques détails sur la fin que la première fois que j'ai toujours pas compris la fin. Après, mais moi non plus. Enfin, tu te fais des hypothèses. Les séquences sur les yeux, super hallucinatoires, ouais. Super tripantes. C'est super niveau visuel. Hein, y a aucun souci. C'est juste au niveau du sens, faut en trouver quoi. Sur le livre, on a un peu plus de réponses. On a un peu plus de scènes qui expliquent le parcours en fait entre ce. Ce qui se passe entre le vaisseau et cette pièce finale où on le voit apparaître vers la fin du film sans trop en dévoiler. J'allais spoiler. Je te voyais venir, mais c'est bon, voilà. Et sinon la musique, elle est parfaite. La musique, tout le monde la connaît. Elle s'accorde parfaitement avec les images, en fait, elles sont utilisées de manière parfaite pour compléter le génie visuel de Kubrick. Elles deviennent elles-mêmes intemporelles, même si elles étaient déjà connues avant le film. Elles ont été gravées dans l'histoire avec ce film. Et ce sera pour longtemps, à mon avis. C'est tout ce que j'avais à dire. Pour longtemps, oui, parce que c'est vrai que 40 ans après, ça fout encore une claque. Ouais. Moi, je l'ai revu il y a 15 jours. C'était encore une claque visuelle, sonore. C'est surprenant, c'est que même des tout jeunes, donc de l'âge à Quentin, qui commencent à s'intéresser vraiment au ciné. Et, voilà. C'est à peu près à 14-15 ans que j'ai eu le bouquin à 14 et j'ai vu le film à 15 ans. Donc c'est là que tu te rends compte que c'était quand même un visionnaire. S'il arrive encore à toucher des générations qui sont quand même très éloignées de la sienne et qui évoluent pas dans la même société, qui n'ont pas les mêmes idées, tu te rends compte que c'est là que tu te rends compte que Kubrick c'était vraiment un génie. Il y a d'excellents réalisateurs, c'est pas mon réalisateur préféré, mais c'est vraiment à lui, je pense que c'est le plus légitime de dire qu'il était un génie. Moi j'aurais juste encore pour conclure deux mots pour qualifier le film: chef-d'œuvre et intemporel, en fait, même si c'est des mots que j'ai déjà utilisés plusieurs fois dans la critique, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre meilleur mot pour décrire ce film. J'agrée à tes mots, je suis d'accord avec eux. Et ce sera ma conclusion aussi. Ok, je pense qu'on n'a jamais tout Ça mériterait plusieurs podcasts. Faut bien conclure un jour. Et on va passer à nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. On retrouve Quentin, qu'on avait à l'introduction. Et on vous dit à tout de suite. Les coups de cœur, coups de gueule et découvertes cinéma de l'équipe Movies Nerd se trouvent dans cette rubrique. C'est parti. On est à la rubrique nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Quentin nous a rejoint de nouveau. On va parler de deux films ce mois-ci. On va commencer avec le premier film qui est Astérix que Eddie et Quentin ont vu. Je vais vous laisser en parler parce que je ne l'ai pas vu. Voilà. Tu veux commencer Quentin ou tu veux que j'y aille ? Je te laisse le présenter comme j'ai parlé d'Hunger Games après. Ouais. Alors, donc là, on est chez Alexandre Astier et Louis Clichy, donc on n'est plus dans l'espace avec Stanley Kubrick. On est chez les petits Gaulois, et c'était trop bien. C'était trop bien, mais c'était... Enfin, on va parler, pour en parler plus en profondeur, c'est Astérix, le domaine des dieux. Moi, l'impression que j'en ai eue, en fait, c'est que c'était vraiment le bon compromis entre les films d'animation qui ont pu sortir avant, l'animation propre à la BD et les films en 3D qu'on retrouve un peu aujourd'hui avec Pixar et Disney. Et je trouve que ils ont vraiment trouvé juste milieu. Et déjà premier bon point, c'est que le film est très agréable à regarder. Il y a un vrai respect de l'œuvre originale aussi dans l'écriture et dans les idées qui sont proposées. Et puis évidemment, c'est très drôle, quoi. C'est très divertissant. C'est peut-être pas vraiment axé pour les enfants, parce qu'on est quand même chez Alexandre Astier au niveau de l'humour. C'est un côté très Kaamelott. Alors évidemment, les adultes qui connaissent Kaamelott et qui apprécient risquent de... on rigole beaucoup. Moi j'en avais un qui éclatait de rire dans la salle, qui du coup faisait rire tout le monde aussi. Mais par contre c'est vrai que les enfants c'est peut-être des trucs qu'ils comprendront moins, parce que c'est un humour, Kaamelott c'est un humour référencé à fond. Ouais voilà, donc c'est très drôle quand on connaît. C'est vrai que quand on connaît pas et quand on est plus petit, on va peut-être moins être réceptif, même s'il y a Obélix et Idéfix qui sont là vraiment pour faire le lien avec les enfants. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Le doubleur qui reprend Obélix suite au décès de Pierre Tornade, il est très bien. Il a vraiment, on sent que c'est plus la même voix, mais il fait vraiment un bon boulot et il a vraiment la voix pour faire Obélix. Ouais. Et Astérix, c'est toujours Roger Carrel qui fait Astérix, donc ça c'est vachement bien de l'entendre aujourd'hui, parce que il est plus tout jeune ce monsieur. Même si l'humour est peut-être un peu plus axé adulte, le film plaira aux enfants, parce que de toute façon ça va à 200 à l'heure, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'action, il y a des scènes de situation quand même qui sont assez drôles et que les enfants apprécieront aussi. Je veux dire, Obélix qui court après son sanglier ou qui castagne du Romain, ça fait toujours son petit effet. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très sympathique, enfin beaucoup aimé, j'ai aimé, parce que après c'est vrai que le seul petit souci c'est que quand t'as vu la bande-annonce du film, en fait t'as pratiquement vu tous les gags. Donc le film est vraiment très sympa, c'est vrai, mais par contre y a pas de surprise, quoi. C'est vraiment le petit bémol que je lui donnerais, mais sinon ça reste un épisode des Astérix très convaincant. D'accord. Quentin, pas grand chose à rajouter, parce que je suis à peu près du même avis qu'Eddie. Pareil, j'ai trouvé l'esthétique du film superbe. On sent vraiment quelque part la patte de Pixar derrière tout ça, parce qu'il me semble que Louis Clichy vient des studios. Ouais, il a fait Ratatouille. Ouais. Ratatouille, c'était pas le plus simple non plus. Hein. Ouais. Ouais, voilà. De toute façon, ça se voit, hein, mais rien que la scène où Obélix est enfermé avec tous les gâteaux, il y a les mêmes. Tu revois la scène du frigo dans Ratatouille. Voilà, c'est ça, on a les mêmes couleurs, on a les mêmes teintes dans les paysages, et j'ai trouvé ça très bien. Mais après, un peu oubliable, j'ai pas. Ah oui, ça marque pas des masses, quoi. Ça marque moins que, par exemple, Astérix Obélix chez Cléopâtre, qui était vraiment un excellent film d'animation. Plusieurs années après, on l'a toujours pas oublié. Moi, la chanson du lion qui tombe dans le bain de Cléopâtre, non, ça. Voilà. C'est... Donc je recommande de passer un bon moment. Voilà, c'est. Et tu l'as vu en 3D, toi? Non, je l'ai pas vu en 3D. Moi non plus, je l'ai vu en 2D. Je sais pas si la 3D valait quelque chose. Oui, je sais pas. Ouais, j'en fais. J'ai pas trop eu de retour, c'est pour ça que je te demande, mais. Ouais, non, je sais pas. Ok, d'accord. Voilà. Bon, ben, si tout est dit, on va passer au deuxième film, donc qui est Hunger Games 3, La Révolte partie 1. Je me trompe pas dans le titre. Non, c'est bien ça. Donc, ben, on va laisser parler le fanboy de Hunger Games, Quentin, ouais. Ici présent, qui va vous présenter le film et donner son avis, même s'il avait. Non, c'est pas toi qui a fait une critique. Non, c'est Eddie qui a fait une critique. Ouais, moi j'ai sorti les trois à la suite. Ouais, non, moi j'ai pas. T'as fait le 1 et le 2. Ah, moi j'ai fait 1 et 2. Ouais, et quand 3, j'ai vu le 3, j'ai sorti le 3. Ok, d'accord. Vas-y, Quentin, je t'en prie. Donc moi j'attendais beaucoup ce nouvel Hunger Games. Donc, un an après l'embrasement qui était un opus que j'avais beaucoup aimé. Donc l'attente elle était moins longue parce qu'on avait quand même dû attendre un an et demi entre le 1 et le 2ème, et donc là une attente un peu moins nourrie par une promo assez timide, on va dire, enfin pas par rapport au 2ème. Et puis j'attendais le film, mais j'attendais quand même un peu moins que j'avais attendu le 2ème, parce que j'avais été plutôt mitigé par rapport au 3ème roman, et donc là cette fois-ci j'étais plutôt vraiment surpris en fait par cette première partie. Donc ouais, enfin, ce qui m'a beaucoup plu dans cet opus, c'est toujours ce côté de manipulation, mais du côté des gentils en fait. On se rend compte en fait qu'il y a de la manipulation des deux côtés. Il y a pas de, et enfin voilà, on est vraiment à la place de Katniss. On découvre le District 13 en même temps que, en même temps qu'à l'époque elle découvrait le Capitole. Enfin voilà, c'est les mêmes bases, c'est toujours ce côté de manipulation qui m'a beaucoup plu. Aussi la manipulation d'une image, là c'est vraiment le cas, enfin par rapport aux scènes, avoir une scène qui est assez drôle d'ailleurs, où ils essayent de mettre en scène le Gemmoker et ils voient que ça marche pas dans un, enfin quand c'est compliqué bien écrit, etc. Ouais. Et qui doivent la mettre vraiment dans le feu de l'action pour que c'est ce qui est le plus intéressant dans le film, je trouve. Voilà, tout le truc autour de la manipulation de l'image. Voilà, c'est un côté très politique dans celui-là qui m'a beaucoup plu. Et on a vraiment un côté vraiment Katniss qui devient badass, là, qui prend conscience de son rôle et qui a peur de rien. Ça y est, elle commence à devenir le Gemmoker, voilà, c'est l'envol du Gemmoker, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Donc maintenant j'attends quand même la deuxième partie au tournant, ouais. Parce que voilà, c'est quand même la première partie d'un livre, voilà, ça adapte que 120 pages d'un roman qui en fait 500, et donc il y a quand même beaucoup de scènes de remplissage. Après c'est pas non plus, ça en fait pas un mauvais film pour autant, ça développe bien l'univers, et voilà. C'est vrai que quand tu prends la décision marketing, ouais, et financière de couper un film en deux, c'est vrai que si tu prends pas le temps de développer tout ce qui est vraiment intrigue et personnage, et donc ça passe aussi par certaines scènes qui peuvent paraître de remplissage, mais je pense qu'elles servent vraiment plus à la psychologie des personnages pour le coup. Ouais, ouais. C'est dommage, quoi. Moi, c'est vrai que sans être fan de la franchise, ça m'aurait emmerdé que ça soit trop vite expédié en fait. Ouais, donc c'est plutôt bien que le film ait réussi à éviter ce fait, voilà. Donc là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok. D'accord, bah, ici. Alors, ben moi, je suis pas fan de la saga. J'avais pas aimé le premier. En fait, le truc, c'est que l'histoire m'a toujours intéressé. Même depuis le premier. Mais le premier était tellement mal foutu que j'étais pas rentré dedans. Le deuxième, j'avais trouvé ça beaucoup plus convaincant. Qui était vachement vachement intéressant. Il y avait même des beaux parallèles, je trouve, à faire avec tout. Moi je trouvais qu'il y avait des parallèles avec la Rome antique, avec les jeux du cirque, ouais, et tout, ouais, ça, ouais. Et même moi j'ai vraiment cette image du plan où les tribus arrivent devant le président Snow, ouais, au Capitole. C'est complètement un hommage, enfin ah bah là c'est Gladiator, quoi, ouais, c'est Cléopâtre de Mankiewicz, c'est voilà, c'est tout ça. Et ça fait penser à Ben Hur un peu même, ouais, et ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Avec les... D'ailleurs, c'est vachement bien avec les gros tambours et tout, la musique et tout, c'en est vachement bien. Et donc, j'avais beaucoup aimé ce parallèle-là. Et c'est vrai que je trouvais déjà que le sujet commençait quand même à s'envoler un peu, à devenir ce qu'il aurait dû être. Et puis là, dans le deuxième, ouais. Et puis là, dans ce troisième film, c'est vraiment ça aussi. C'est pour moi, ça y est, la saga est vraiment devenue ce qu'elle aurait dû être depuis le début. C'est-à-dire une critique de la société de consommation, donc qui n'est plus satisfaite de rien et qui est son seul plaisir maintenant, c'est que tous les ans on envoie des jeunes dans une arène pour s'entretuer. Donc ça, c'est un bon reflet de ce qu'on a aujourd'hui avec toutes ces émissions à la con de télé-réalité, Koh-Lanta, Les Anges et machin là. Et après, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus ils continuent à jouer là-dessus, donc comme le disait Quentin, avec toute la manipulation d'une image. Et c'est vrai que quand tu vois Nabila, les trucs comme ça, mais Katniss, c'est un peu la même chose en fait. Bon, évidemment, elle est plus intéressante, mais c'est un peu la même chose. Et je trouve ça vachement intéressant qu'on propose ça à un public de jeunes qui est quand même tout ce qui est fait sur W9 et NRJ 12, Les Anges et les Marseillais, là où je sais plus quoi. C'est quand même destiné à un public de jeunes. Et voilà, je trouve ça bien qu'une saga comme Hunger Games prenne tout ça à contre-pied et leur montre que non, la vie c'est pas ça. Hein. On ne peut pas vivre par l'intermédiaire d'un médium, quoi. D'un médium comme ça où on s'est fait connaître. Et parce que Katniss, elle, ce qui l'incombe, c'est pas de faire les défilés de Jean-Paul Gaultier, mais c'est de mener un peuple à la révolte, quoi, contre l'oppression. Donc, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et en plus, moi personnellement, j'ai trouvé que les dialogues étaient bien écrits. Bizarrement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus cliché, et finalement, pas tant que ça. Concernant après tout ce qui va être au niveau du rythme du film, alors il y en a peut-être qui vont trouver ça un peu long, un peu comme la première partie d'Harry Potter. Moi, j'ai bien aimé parce que je trouvais que la gestion du rythme était assez intelligente et que ça permettait aussi justement aux quelques moments de tension qu'il y a dans le film d'avoir plus d'intensité en fait. Donc voilà, moi je suis vraiment niveau de en termes de réalisation, je trouve ça tout à fait correct. C'est pas énorme, hein, on reste dans un standing de base quand même pour une saga, mais voilà, c'est quand même vachement plus honnête et plus ambitieux que ce que nous propose la moyenne. Donc voilà, moi je suis satisfait. Ça y est, je m'inquiète pour ces personnages. J'ai envie d'en savoir plus. Et puis voilà, Jennifer Lawrence a vraiment saisi toute l'essence du personnage de Katniss et elle la rend vachement intéressante. Donc voilà, moi j'attendais celui-là parce que j'avais bien aimé le deuxième et franchement j'ai été agréablement surpris par celui-ci en fait. Je le trouve très très intéressant. D'accord, ok. Moi je vais rajouter un petit peu. Tout d'abord, il faut savoir que c'était la saga Hunger Games, c'était une découverte pour le podcast, pour ma part, parce que j'avais pas vu les films, puisque j'avais sûrement, très certainement, un a priori négatif par rapport à ces films adaptés de bouquins pour jeunes, entre guillemets. Donc, par exemple, les Twilight, C'est trop bien, Twilight. Ouais, non, c'est... Waouh. C'est l'objet cinématographique de l'année. Donc voilà, j'ai découvert Hunger Games 1 et 2, donc le, je suis un peu comme Eddie, le 1 j'ai pas trop aimé en fait, j'ai trouvé un peu le... Le premier. Je suis peut-être pas aussi... peut-être pas aussi catégorique, ouais, mais moi j'ai vraiment détesté. Pour moi c'était le pire film de 2012. Carrément. J'ai trouvé ça, c'était pas possible. Hein. J'ai vraiment trouvé ça très très mauvais. Pire qu'un Twilight justement. Ah ouais. Ah ouais, non, mais moi j'ai vraiment pas... Du tout accroché. Alors je suis pas aussi radical qu'Eddie, mais... Mais moi avec mes goûts de merde, Twilight c'est des plaisirs coupables. Je sais que c'est de la merde, mais bon. Voilà. Ne me jugez pas. Non, mais c'est pas grave. Donc le 1, en fait pour moi le problème c'était... Surtout j'adore le propos que général de Hunger Games en fait, même si j'en parlerai un peu plus pour le scénario, mais du coup je trouvais que le 1 était un peu niais par rapport à son propos, qui allait pas aussi loin qu'il aurait dû aller, ce qu'il fait dans le deuxième très très bien, que j'ai vraiment apprécié. Et donc, ce qui fait aussi dans le troisième, que j'ai aussi beaucoup apprécié. Donc, la réalisation, c'est vraiment pas la même que dans le 1. C'est à peu près la même chose que dans le 2. C'est une très bonne réalisation. Il y a quelques plans en caméra à l'épaule qui piquent un peu les yeux. Mais c'est vraiment très très minime, donc c'est avec parcimonie, quoi. Voilà. C'est pour ponctuer des moments qui doivent être comme ça. Donc ouais. Après, bon, donc, le premier était trop à l'épaule. Voilà, c'est, ça. Du coup, c'est ça le problème du premier. Ouais. Du coup, je sais pas, c'est peut-être un ressenti du premier qui est revenu sur l'écran quand j'ai vu ces caméras à l'épaule, tu sais. T'as eu un coup de vomi en plus. C'est à peu près ça. Je me suis dit, ah putain, ça recommence là. Je me sens mal. Donc, sortez les paquets, sortez les sachets. Du coup, c'était un peu Gerbotron 2000, ce truc. C'était le premier. Ouais, heureusement que je ne l'ai pas vu en salle parce que... Et moi je l'ai vu en salle et franchement j'ai dit mais j'en peux plus quoi, cette caméra quand est-ce qu'elle va se poser, c'était pas possible. Du coup on ne reconfiera plus jamais un film à ce réalisateur. Gary Ross, non merci. Voilà. Il a fait quoi d'autre d'ailleurs, je sais pas. Il a fait Pleasant View avec Reese Witherspoon et Tobey Maguire ou Elijah Wood, je sais plus. Ouais. Tobey Maguire. Ok, d'accord. j'ai pas vu donc je pourrais pas juger. Voilà, donc je repars sur Hunger Games 3 parce qu'on part un peu à côté. Les effets spéciaux sont pas mal. Il y a certains effets qui sont un peu, je trouve un peu cheap, mais le truc c'est que c'est pas un budget de Interstellar. C'est un budget. Enfin, pour au niveau des effets spéciaux, faut pas s'attendre à un truc exceptionnel non plus, mais j'ai trouvé pas mal fait. Voilà. Du coup au niveau des acteurs, Jennifer Lawrence, j'ai trouvé qu'elle incarnait toujours à la perfection Katniss Everdeen, et surtout dans celui-là en fait on sent vraiment qu'elle s'empare du personnage, comme t'as dit Eddie, qu'elle comprend toute l'essence du personnage. C'est qu'elle rend vraiment, enfin je te coupe, mais moi ce que j'ai vraiment aimé au niveau de l'interprétation de Jennifer Lawrence, c'est que Katniss est un personnage fort mais qui a beaucoup de fragilité, et elle retranscrit parfaitement ça au niveau du jeu de regard, au niveau de elle a un visage très expressif de toute façon, Jennifer Lawrence, et c'est vrai que elle arrive vraiment à rendre ce personnage fragile, et puis il y a des moments comme ça où tu te rends compte qu'elle est fragile mais qu'elle en veut, quoi. Et je trouve ça vachement touchant en fait comme personnage, et je trouve que ça fonctionne bien ici. J'ai vraiment aussi adoré le personnage de Elizabeth Banks. Oui. Qui se retrouve, la bourgeoisie qui se retrouve au niveau des prolétaires, c'était vraiment sympa. J'adore ce personnage, c'est vraiment un de mes préférés de la saga, je le trouve tellement bien interprété. J'ai aussi vu ce film, je l'ai vu en VF, donc je ne peux pas trop juger au niveau des acteurs, parce que le truc c'est que je les avais vus en VO les deux premiers. Et là, j'ai eu quand même un peu de mal au début avec les voix des personnages à m'habituer de nouveau. Surtout que là, c'est vraiment pas les meilleurs VF qui sont. Ouais, donc c'était vraiment pas. Bon, après, Katniss, ça va encore. Katniss, ça va. Mais il y en a d'autres qui sont bien. bien. Josh Hutcherson, ils lui ont bien mis une voix de niais quand même. Hein. Ouais. C'est pas pour être méchant, mais. Non. Voilà. Donc ça a été un peu dur de s'y habituer, mais après, au bout de 30 minutes, on va dire, ça allait. Je commençais à m'y faire. Donc ça va. Sinon, au niveau du scénario, je l'ai trouvé un petit poil en dessous du deuxième, mais j'ai quand même vraiment super. Enfin, j'ai vraiment apprécié le film. Comme j'ai dit avant, c'est ce qui me plaît toujours autant dans le scénario, c'est le fond de la saga Hunger Games. Ce que j'ai lu beaucoup sur les sites, c'est qu'il y a vraiment deux angles de lecture totalement opposés. Il y en a qui pensent que c'est une critique du capitalisme, d'autres qui pensent que c'est une critique du communisme. C'est les deux à la fois, c'est vraiment la pire société qui puisse exister. Ouais. Quoi. Donc, du coup, je trouve ça passionnant, en fait, les débats, même après le film, en fait, sur les angles abordés dans le film, à propos des critiques de société. Dans celui-ci, on voit aussi la formation et les débuts d'une révolution. Qui continuera dans le quatrième volet. C'est un peu mes influences geek, nerd, etc. Mais j'ai vu beaucoup de Matrix dans la société société d'en bas. Je sais plus comment il l'appelle. Enfin, c'est District 13, c'est ça. District 13, ouais. Mais il n'y a pas de nom spécifique. C'est 50 ans, c'est la... Ouais, c'est ça. C'est pas la rébellion ou... Non, c'est le 10-13. Ouais, voilà, c'est les rebelles du 13. D'accord, ok. Ouais, qui m'a fait beaucoup penser à Zion dans Matrix 2 Reloaded, et le 3 aussi. Voilà, bon, c'est pas les meilleures influences, mais voilà. on va pas déblatérer des heures sur ça. Et ensuite, finalement, la musique, la bande originale du film, qui en elle-même n'est pas super innovante, c'est de la musique de blockbuster. Mais par contre, les deux chansons originales faites pour le film qui sont vraiment très bonnes et qui m'ont donné la chair de poule à certains moments. Malgré la VF, la doubleuse chantait quand même bien, je trouvais. Mais surtout à la fin du film. Après le dernier plan, que je pense être vraiment le meilleur des trois, celui qui m'a fait tirer une petite larmichette, je vais pas te dire de spoil, mais il y a eu la chanson de Lord, dont je suis pas spécialement fan, j'ai toujours pas écouté, moi. Fan, qui est vraiment très bien, qui m'a vraiment donné les larmes aux yeux juste après ce plan magnifique de fin qui est sublime. Par contre, moi, c'est Hunger Games, c'est vrai que ça ne m'émeut pas. Je m'attache à ces personnages, je pense que ça peut me toucher, mais de là à m'émouvoir, non, j'y arrive pas, en fait. Ouais, je sais pas, c'est vraiment le... pendant tout le film, j'étais à fond dedans, mais j'étais vraiment pas au niveau des larmes aux yeux, mais le dernier plan, ça a réussi. il est vraiment super fort, je trouve, ce plan est très très bien cadré, très bien mis en scène, très bien monté aussi. Ça a percé ta carapace. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, quand on a eu le droit à la chanson de Lord, qui est très bien, on a eu... quand on a vu le film en VF et qu'on a eu la chanson de Jennifer Lawrence en VF, et ben à la fin du générique, il y a la chanson de Jennifer Lawrence de Hanging Tree en VO, et qui est vraiment meilleure, que même si elle chante bien la doubleuse en VF, mais c'est pas le même niveau de production, je trouve, que ouais, c'est pas la même chanson qu'il y a pendant le film, quoi. Enfin, si, mais. Ouais, mais c'est un peu différent. En VO. Ouais, voilà. Que j'ai pas entendu parce que je suis pas resté. Voilà, du coup, c'est ce que j'ai pensé du film. Je trouvais très très bon. Je suis impatient de voir le troisième et voilà. Vous m'avez converti. Surtout Quentin. Hein. Oui. Enfin, bon, il m'a obligé, je vous le dis. Il a séquestré pendant un mois. Et en plus, maintenant je les ai sur mon Kindle. Gros fan de Fincher, il s'est refait Panic Room à lui tout seul et. Séquestré le pauvre Axel. Ouais, il m'oblige à aller lire les Hunger Games. Moi je pense pas que je les lirai, hein, par contre. Non, moi je pense que je les lirai parce que ça me passionne vraiment, surtout au niveau. Ils sont très bons, les livres. Ouais. Apparemment, c'est pas dur à lire. Hein. Non, on accroche vachement vite. Ça me passionne vraiment au niveau des. Surtout de la critique de société, critique des médias et tout ça, qui, je trouve, la critique des médias, comme vous avez dit, la critique de l'image, la création d'une image forte, est beaucoup représentée dans le film, mais la critique des médias est peut-être pas aussi forte que dans les deux premiers, je trouve. Ouais, parce que là, on n'est plus dans le divertissement, on est plus dans le Capitole, en fait. Donc voilà. Mais franchement, la critique des médias des deux premiers est super. Enfin, moi, j'ai adoré. Du coup, je suis impatient de les lire pour pouvoir voir s'il y a plus de détails à propos de ça. Il y en a qui trouvent ça trop lisse parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Ils veulent que ça soit plus adulte, mais moi je trouve que pour un quelque chose qui est fait pour un jeune public, pour des ados, je trouve ça bien, en fait. C'est sûr que si c'était adressé aux adultes, ça serait pas assez sombre, mais je trouve que là, dans le contexte, en fait, quand tu reprends le film dans le contexte, il y a certaines scènes, on va pas spoiler, mais il y en a quand même certaines scènes d'action, entre guillemets, qui sont bien bien glauques, hein, c'est pas... Ah oui, mais après, bon, ça, c'est... Je dis qu'ado, c'est quoi, c'est la moyenne d'âge, c'est 15-18 ans, quoi. C'est pas un film pour enfants, hein. Non, loin de là. Enfin, après, bon, j'ai eu quelques gamines de 8 ans, 10 ans dans la salle, voilà, c'est pas... Ah ouais. Ouais. Bon. Apparemment, elles avaient apprécié. Donc... Oui, bah écoute, il y a un chat, après tout. Hein. Ouais. Très très beau chat, d'ailleurs. Ouais. Meilleur acteur du film. Ah bah moi, oui, de toute façon, dès qu'il y a Oscar du meilleur animal dans... Oscar du meilleur chat. Face à Grumpy Cat. Ouais. voilà, je pense qu'on a tout dit. On a dit beaucoup de conneries aussi, mais on a... du coup, si vous avez quelque chose à rajouter, sinon, on va passer... Non, mais non, moi je suis curieux de. Comme à la sortie du deuxième, je suis curieux de voir la suite. Et puis. Ouais, voilà. Et moi la suite. Mmh. Et, et Quentin compte les jours et il fait comme. Ouais. Comme ceux qui sont en prison, il fait une croix chaque jour sur son mur. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci, ou lequel faut-il éviter? Vous n'achèterez plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. On est donc au film du mois, on est toujours avec Eddy et Quentin, et cette fois on va vous parler ce mois-ci du film Interstellar, qui est sorti le 5 novembre 2014, donc ça fait plus d'un mois qu'il est sorti. Ouais. Alors, on a eu le temps de le digérer. Hein. Mais là pour le coup, oui. Du coup, on va vous rappeler un petit peu les détails sur le film. Donc, la réalisation, c'est Christopher Nolan. Le scénario est de Christopher Nolan et de Jonathan Nolan, qui est son frère. La distribution, il y a Matthew McConaughey, il y a Anne Hathaway, il y a Jessica Chastain, il y a Mathis Dillfoy, il y a Ellen Burstyn, Michael Caine, Casey Affleck. Ah oui, Ellen Burstyn, c'est vrai, oui. Ouais, en Murphy Cooper âgé. Ellen Burstyn de... la maman de dans l'Exorciste. Mmh, ouais. Bonne référence. John Lithgow et après Matt Damon, Topher Grace pour les amateurs de That 70 Show. Et je sais pas si j'en ai oublié, j'en avais toujours oublié un, mais je sais plus maintenant. Wes Bentley. Voilà, Wes Bentley à chaque fois. Voilà. En plus, à chaque fois, il est juste à côté et je l'oublie. Bon, ouais, c'est pas grave. Ouais. Voilà, donc qui veut prendre la parole sur le film? Bah Quentin, c'est lui qui a le plus aimé, je crois. Ouais. Quentin, allez, bam. Quoi? Comment? Mais non, je suis là. Donc, par où commencer? Vous pouvez pas me lancer juste. Bah ouais, Quentin, vas-y, je t'en prie, parle-moi d'Interstellar. Ah oui, ça m'aide. Je sais pas, tu voulais parler de quoi du... Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Moi, ce qui m'a. C'est bien le seul. On est des salauds. Interstellar. Je retrouve mes esprits. Moi, ce qui m'a plu avec ce nouvel opus de Christopher Nolan, c'est le nouvel ingrédient qu'il a ajouté à sa recette, en fait. C'est un peu le bon gros mélo, voilà, qui manquait un peu à ses autres films, je trouve. Bien qu'ils étaient tous très bien, Le Prestige, Inception, bon, voilà, on adore tous. Mais là, voilà, ce qui m'a plu, c'est à travers à travers la relation père-fille de Murph et Cooper. Et même frère-sœur à un moment. Vers la fin. Le film, de toute manière, est tant mélodramatique. Enfin, rien que la scène après la vague où il découvre les d'ailleurs c'est assez drôle parce que on parle souvent de recevoir une vague d'émotion et là la scène se passe, c'est vraiment l'impression que j'ai ressenti, quoi, une vague d'émotion qui met cette année à venir. Voilà, c'est une vague, faut voir le film pour comprendre. Ouais, voilà, la scène est assez dingue et encore une fois ça montre que Matthew McConaughey est vraiment un des meilleurs acteurs de sa génération. Un brillant acteur, et de toute façon tout le casting est génial, hein. Jessica Chastain est toujours pas, encore une fois elle est parfaite. Toujours géniale, Jessica Chastain. Oui, bah bien sûr, mais ici elle est encore excellente. Anna Taoué se débrouille très très bien. Matt Damon joue bien. C'est Matt Damon, quoi. C'est pas non plus. Oh, vous êtes gentil, hein, avec Matt Damon. Oh, je trouvais son personnage intéressant, mais bon, après son personnage. Mais moi, je trouve que Matt Damon a le charisme d'un pachyderme, donc c'est pas possible. Hein. C'est vraiment un acteur. Ouais, voilà, c'est pas un acteur que je porte dans mon cœur non plus, mais Après voilà, le reste du casting est très bon aussi. Michael Caine, le personnage est très très très bon. Mackenzie Foy est génial, c'est une vraie révélation dans ce film. On va pas dire que c'est dans Twilight qui nous était révélé, mais là, elle joue vraiment très très bien. Et... ils l'ont massacré dans Twilight, hein, la pauvre. Ouais, ouais. Ouais, avec les effets numériques dégueulasses sur son visage. Alors qu'elle en a pas besoin, quoi. Elle en a pas besoin, ouais, voilà, c'est ça qui est pire. Donc Interstellar, j'ai beaucoup aimé, de très bons effets spéciaux. Voilà, pendant 2h45, enfin 2h49, on est plongé dans l'espace interstellaire. Voilà. Ok. Ah ben moi j'ai vraiment aimé. C'est vrai que alors du coup oui, ça fait un mois qu'il est sorti, donc ça fait un mois que j'y repense à ce film. Ouais, ouais. Et c'est vrai, mais plus je me le dis, et parce que là évidemment on est en fin d'année, donc on commence à penser à la place des films dans nos futurs top 10. Mm-hmm. Et ben c'est vrai que ben, plus ça avance et plus je me dis ouais, mais Interstellar il va vraiment être dans le haut du panier, je pense, parce que c'est un film qui me reste vraiment en tête et qui m'a énormément plu. J'ai vraiment je suis vraiment content de l'avoir vu en salle. Ouais. Parce que c'est vraiment une expérience à vivre en salle. C'est le même effet Gravity, en fait, c'est vraiment un truc à voir en salle, absolument. C'est vrai qu'on a vraiment eu deux années à la suite là, on a vraiment eu deux bons films qui se passent dans l'espace. Ouais. Et bah, Gravity moins conquête spatiale, mais je veux dire qui joue enfin deux films à émotion comme ça et dans l'espace. Donc comme Quentin, moi j'ai vraiment aimé la dimension émotionnelle du film, parce que c'est vrai que c'est ce qui manquait à Christopher Nolan. Pour donner un exemple tout con, c'est vrai que bon, j'adore Inception, mais c'est vrai que le personnage de Cobb avec ses enfants, bah je m'en fous, quoi. Enfin ça me touche pas, parce que c'est mal amené, c'est bon, ça me touche pas, ça me laisse pas indifférent, parce qu'un papa qui veut retrouver ses enfants, c'est voilà. C'est ça. Alors que là, par contre, bah, Matthew McConaughey qui découvre 21 ans de messages de ses proches, de ses enfants. Voilà, moi j'étais au cinéma. Les larmes n'ont pas coulé, mais elles étaient vraiment, vraiment au bord, quoi. Et oui, j'avais le cœur serré parce que bah, ça m'a touché. C'était vraiment, c'est vraiment très bien aimé. Et je m'attendais pas du tout à voir ça dans un Nolan. Et puis ben voilà, puis Matthew McConaughey, c'est vraiment lui il mérite complètement son Oscar, hein. Il l'a peut-être un peu volé à Leonardo DiCaprio l'année dernière, mais là je trouve que c'est vraiment un acteur qui faut suivre, parce qu'il a une palette de jeux assez impressionnante, sans dire entre le texan, le redneck texan là de Dallas Buyers Club, qui était vraiment très très bien, pour lequel il a reçu son Oscar. Ici où il joue, il joue un père de famille quand même qui est bon papa, quoi, puis protecteur en même temps, tu vois, c'est le père assez cool avec ses enfants. Mais non, moi j'ai vraiment, voilà, c'est un personnage qui m'a vraiment touché, tout comme celui d'Anna Tawai, que je trouve très intéressant aussi. Toi t'aimes pas trop l'actrice Axel, moi j'aime bien Anna Tawai. Je suis pas super fan, mais... Et puis évidemment Jessica Chastain, quoi. Et Jessica Chastain et Mackenzie Foy, qui sont vraiment moi je l'ai, pour le coup je suis vraiment méga fan de Jessica Chastain, je la trouve magnifique, ça se correspond très bien toutes les deux, en fait. C'est ça, je trouve que là ils ont vraiment trouvé les deux, c'est la symbiose parfaite. Pour le personnage, c'est vraiment deux actrices qui parviennent très bien à... c'est vrai que je sais pas, Mackenzie Foy, elle a vraiment, soit elle a répété avec Jessica Chastain, elles se sont aidées toutes les deux. Enfin, il y a quelque chose, mais elles sont vraies, c'est très cohérent. Ouais. Donc ça, bon, ça c'est un très bon point. Après là où j'adore le film, c'est vraiment aussi dans ce qu'il propose, l'idée du temps. Quantifiable et aussi de l'amour, du coup, parce qu'on parle beaucoup d'amour dans ce film. J'ai trouvé ça vachement, vachement intéressant. Alors ça, c'était vraiment passionnant. On sent qu'il a vraiment fait appel à un physicien. Et ça, c'est, ça, de toute façon, c'est la base. Le scénario vient d'un physicien qui a été conseillé durant tout le film. Donc, Comme Spielberg ou Colin Trevorrow là, font appel à Jack Horner qui est un paléontologue pour les Jurassic Park. Ben là, c'est vraiment, voilà, je pense que ça c'est la base quand tu as des sujets comme ça, ouais. De faire appel à des vrais professionnels. Et puis là, ça se sent quoi, dans ce qu'ils te proposent, parce que tu sais que tu es dans de la SF, mais en même temps, c'est tellement. T'as l'impression, voilà. C'est réaliste. Ouais, ouais, t'as pas jusqu'au point d'avoir la mention à gauche de l'écran certifiée, ouais. Véridique. Certifiée NASA. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas ça. Mais tu sais que voilà, il arrive vraiment à t'emmener là-dedans parce que c'est fait de telle manière que ça paraît vrai, que ça et puis que c'est tangible. Et puis après, bon, tout dépend de ce que chacun pense. Moi, c'est vrai que l'idée du temps comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai quelques hypothèses dont je parlerai pas ici parce que c'est personnel et puis parce que ce serait pas très intéressant. Puis j'en parle certainement moins bien que Christopher Nolan. Mais c'est vrai que voilà, moi c'est vraiment c'est des thématiques qui à la base me touchent et puis qui sont vraiment bien amenées ici bien amenées ici dans le film. Et ce qui est fort, c'est qu'il parle de tout ça mais sans le rendre barbant en fait. Ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais de questions sans réponse, que c'est assez carré, mais en même temps il garde, en fait contrairement à 2001, l'Odyssée de l'espace. Parce que c'est pour ça qu'on a parlé de 2001, c'est parce qu'il n'y avait pas de film chez Nolan auquel on pouvait comparer Interstellar. Autant chez Kubrick, c'est vrai que tu as toujours cette part de mystère qui réside derrière, alors que chez Nolan, non, tu as moins quand même. Mais par contre, je trouve c'est un peu bête à dire comme ça, mais je trouve qu'il verse un peu dans la poésie. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Je suis assez réceptif à ça. Et je trouve que là, c'est vraiment bien, bien amené. En termes de musique, je trouve le film vachement intéressant aussi. Ça fait du bien de voir que Hans Zimmer a décidé d'arrêter de se recycler et qu'il recompose des BO très, vraiment bien. Je la réécoute toujours d'ailleurs. Je la trouve vraiment très bien, cette bande originale, qui n'est pas forcément faite pour être agréable, mais qui a vraiment des thèmes excellents. Voilà, ça fait penser un peu à un peu le même genre de BO que Trent Reznor a fait pour Gone Girl. C'est des thèmes que tu écoutes, qui te plaisent, mais qui ne sont pas faits pour être agréables, en fait. Ouais, ils sont faits pour accompagner une image, en fait. C'est exactement ça. Et là, bah, tous les gros sons d'orgue, de cuivre et tout ça, qu'il y a dans Interstellar, évidemment, ça fait écho un peu à la musique qu'il y a dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais en même temps, c'est bien amené sans... En fait, ça pioche des idées... À 2001, c'est vrai, je pense. Ça pioche certaines. Je sais pas si ça pioche des idées, mais en tout cas, il y a un parallèle. Mais on n'est pas dans le plagiat. Interstellar n'est pas le nouveau 2001, en fait. Mais non, c'est faux, ouais, ça. Ouais, c'est évidemment qu'on y pense à 2001, parce que c'est la même chose en termes de d'histoire. C'est que les deux films se passent dans l'espace. On est dans l'exploration. Donc évidemment que c'est le seul point commun, parce que les films racontent pas du tout la même chose en fait. À part si peut-être le petit clin d'œil avec le robot qui ressemble au monolithe, ouais. Qu'il y a dans 2001, et puis le fait qu'il parle un peu comme l'ordinateur HAL dans 2001 aussi. Voilà, mais après dire que là c'est le nouveau 2001, non, je suis pas d'accord. Donc voilà, les acteurs sont très bien. Et sinon, moi, là où j'ai peut-être un petit peu plus de réserve, alors autant j'adore le fait que Nolan ait choisi les décors naturels, genre l'Islande, où tu vois les grosses crevasses. Enfin, je n'ai pas vérifié, hein, mais en voyant les décors que c'est, je pense que c'est l'Islande. Hein. On va mettre une réserve là-dessus, hein, parce que. Après, ouais, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, ouais. mais je pense quand même. Il n'y a pas beaucoup de régions dans le monde qui proposent des décors comme ça. On sait que ça a été tourné dans le Nord, en tout cas. Ah oui, ah bah ça c'est sûr par contre. Et ça, je trouve ça bien, le fait d'avoir choisi des décors naturels pour illustrer l'espace. Il a choisi de faire ça dans des décors naturels, et ça c'était intéressant, qui ont été un peu retravaillés à l'ordi évidemment, mais c'est intéressant quand même. Pensez à la première planète, ça, tu trouves nulle part ça. Ah ben ça oui, tu trouves nulle part, et puis même l'autre, la planète où il fait froid. Mais j'adore le fait que tu vois les grosses crevasses ça m'a fait penser un peu à Avatar avec les montagnes flottantes. Ouais. Ça m'a fait un petit peu penser à ça. Et donc voilà, ça c'était très bien. Par contre, j'ai plus de réserves en ce qui concerne le reste du visuel du film. Moi, c'est vrai que quand il passe dans la sphère de verre ou le trou de verre, je sais plus ce qu'ils disent dans le film, c'est sphère de verre ou trou de verre ? Trou de verre, les décors comme ça qui miroitent un peu, je trouve ça un peu cheap, un petit peu too much, ouais. Pas moche, mais moi, par contre, voilà, j'arrive pas à trouver le film beau. Mais je pense pas que le film soit fait pour être beau non plus. Ça fonctionne. On a l'impression de voyager dans l'espace, mais c'est vrai qu'il y a certains éléments de décor qui, je veux dire, à partir du moment où tu fais de la SF, de la conquête spatiale, t'es obligé d'insérer plus de numérique que tu en mets d'habitude. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être reproduites à la main, c'est pas possible. Kubrick l'a fait, mais en son temps, ça paraissait pas cheap. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire autrement, donc automatiquement, on n'a pas la même approche. Donc voilà, c'est un petit peu la réserve que j'avais mettre sur le film. Mais bon, c'est parce qu'il faut bien que je chipote un peu. Mais voilà, le film, franchement, voilà. Moi, je le conseille, mais à mon avis, il ne passe plus. Je pense plus, là. Moi, il est encore chez moi. Des rares séances, ouais. Mais n'hésitez pas. Donc, voilà. Il s'est fait bouffer par le Hobbit. Ouais, bon, un mois après. En même temps, c'est nous qui sommes à la bourre. Ouais. Alors, du coup, moi je vais vite revenir sur le film, même si j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qui est dit et Quentin a dit. Je pense un peu la même chose. Donc, j'ai trouvé que la réalisation était très bonne. Comme d'habitude chez Nolan, je suis vraiment un fan de sa réalisation. J'ai jamais eu de problème avec ces cadrages, même si c'est un peu classique dans sa mise en scène. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques très bons plans à couper le souffle, mais pas que dans l'espace. On pourrait penser ça d'un film qui parle d'espace, mais il y a certains plans où il y a la lumière qui est super bien travaillée, la photographie du film est sublime. Des moments surtout sur la Terre, en fait, au début. Où j'ai trouvé vraiment j'ai trouvé une des meilleures photographies de l'année, hein, voilà. C'est qui son celui qui s'occupe de la photographie chez lui, la dernière fois on l'avait cherché et puis c'est le directeur de la photographie de Her, Oite Van Oitema. D'accord, oui, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment très très très propre, hein. C'est super joli, donc voilà. Ça m'a fait penser un peu à certains effets dans La Guerre des Mondes de Spielberg, au niveau du soleil, en fait. Oui, c'est vrai. J'en ai parlé avec personne, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui. Ouais. Ça donne vraiment ça. Un film qui est très très sous-estimé et qui, pour moi, est un des meilleurs Spielberg. Ah oui. Vraiment. Pour moi aussi. Je comprends pas comment ce film n'a pas plus. Moi non plus, je comprends pas. Non, parce que c'est vachement bien, quoi. On va pas parler de La Guerre des Mondes, mais au niveau de la réalisation, il n'y a rien à dire, quoi. Et pour Interstellar aussi, moi je le trouvais super beau. Les effets spéciaux, j'ai pas eu autant de problèmes que toi. Je comprends qu'on puisse trouver ça un peu cheap, mais je sais pas, c'est peut-être passé, mon cerveau a accepté. Moi disons que je le pointe du doigt parce que c'est vraiment le petit détail que je regrette, c'est ce qui pour moi manque, c'est ce qui pour moi, c'est un peu le point noir qui, s'il n'était pas là, bah voilà, le film serait vraiment proche du chef-d'œuvre, quoi, pour moi. Du coup, moi j'ai trouvé, je sais que t'as trouvé que les robots étaient pas super, étaient pas... J'aime le personnage. T'as aimé le personnage, mais t'as pas aimé sa représentation. Je trouve pas ça logique. Oui. Je trouve que ça fait tâche avec le reste. Ouais. Mais j'aime le personnage. C'est pas très scientifique, en fait. C'est pas une approche très scientifique. Autant R2-D2, je comprends. Comment il roule, il a des petites roulettes, il a des trucs. Mais là, le robot qui fait des enjambées comme ça sur lui-même, j'ai plus de mal. Mais après, le personnage est bien. J'ai trouvé ça assez original. C'est sûr que c'est pas très. Pour le coup, c'est assez original. Oui. C'est pas très plausible, c'est sûr. Pour un film qui est censé nous faire penser que ça se passe vraiment, il y a certains moments où, avec les robots, justement, on a un peu de mal à y croire. Mais sinon. Mais heureusement qu'il est là, ce personnage, parce que ça permet de désamorcer le trop-plein d'émotions qu'il pourrait y avoir aussi. Parce que c'est. Quelques vannes, quelques trucs qui sont vraiment. Ça fait du bien. Ouais. Ouais. Et puis en plus, ils sont très drôles. Pour le coup, c'est vrai que c'est des petits pics comme ça qui fonctionnent bien. Mmh. Parce que le film est vraiment dans l'émotion. Ouais. Mais jamais, on pourrait penser que c'est à outrance quand on voit, par exemple, quand tu vois la bande-annonce et que tu vois Matthew McConaughey pleurer comme ça, chaud de larmes face caméra. tu pourrais te dire, oh, ça va être comme dans Lo Impossible, là, The Impossible de Juan Antonio Bayona, ouais. Où tu vois Ewan McGregor pleurer et tout, à chaudes larmes et tout ça, des déluges, des gueulis d'émotions comme ça, ouais. Et pas du tout, en fait, on n'est pas dans ce truc-là, quoi. C'est vraiment, vraiment dramatique. Et c'est touchant parce que tu es obligé de te mettre à la place de ce mec, en fait. Donc on n'est pas ça, par contre c'est bien, il a bien géré ça. C'est vrai qu'il le fait rarement, mais du coup quand il le fait, apparemment il le fait bien. Ouais. Donc oui, bon j'ai trouvé les vaisseaux spatiaux aussi super bien. J'ai bien aimé le fait de ce qu'ils ont fait avec la NASA, en fait. Cette organisation un peu secrète, un peu mystérieuse, qui a été avec Michael Caine. Oui, voilà, qui joue très bien. Enfin, moi j'ai trouvé après bon. Il est toujours bien, Michael Caine. C'est toujours un peu le même genre de personnage, c'est sûr. Alfred. Mais on est sûr que après quand on le voit, on a du mal à s'en défaire de cette image, mais. Moi j'ai un peu le réflexe de me dire ah Alfred, mais c'est pas. Mais en même temps, c'est de sa faute, il accepte toujours les mêmes rôles. Le vieux sage. Mais il était vachement bien en Alfred aussi. Non, il était très bien. Donc. Mais c'est un immense acteur, ça. Oui, hein. Oui. C'est vraiment. Michael Caine, hein, c'est un vétéran maintenant. Hein. Voilà, j'ai aussi aimé que, comme tu as dit, il y a des décors naturels et tout ça. Il y a aussi certains vaisseaux et tout ça qu'on voit que c'est pas de l'effet numérique. Et ça, c'est ce que j'adore chez Nolan, c'est que il cède pas toujours à la facilité, en fait. Il essaye de rechercher quelque chose de plus organique, de plus de palpable, en fait. C'est un parti pris. Ouais, voilà, comparé à. Même si j'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie, on sent que c'est complètement tourné sur fond vert. Bah oui, alors que là, on sent qu'il y a eu des décors qui ont été créés spécialement pour le film. Enfin voilà, c'est sûr que c'est pas le même niveau de budget par rapport aux Gardiens de la Galaxie, mais voilà. Sinon, le scénario, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs films d'exploration spatiale. On a vraiment l'impression de partir à l'aventure avec l'équipe, le fait d'aller de planète en planète. Vraiment jouissif, en fait, et la découverte d'inconnus est super bien gérée dans le film. J'étais toujours sur mon siège j'étais crispé sur mon siège à chaque découverte de nouvelles planètes. Pourtant, on n'en découvre pas tellement, mais on a l'impression d'avoir fait au moins 6-7 planètes alors qu'ils n'en visitent que 2-3. Ouais. Mais voilà, la découverte. Et c'est important de le dire, mais c'est pas un film de checkpoint, c'est pas redondant, en fait. Ouais. T'as pas l'impression qu'ils font que ça non plus. Ouais. Donc c'est super bien géré. Il y a aussi toute la partie sur la Terre exposant la vie de tous les jours des habitants de la planète et qui continue durant tout le film en devenant de plus en plus touchante, en fait. Après, il y a énormément de thématiques abordées durant tout le film. On va évidemment pas en parler parce que ça vous spoilerait. Et bon, après, vous avez peut-être vu le film, mais on va pas faire une partie spoiler parce que ça va être trop long. Non, puis ce serait dommage parce que franchement, c'est quand ça le dénouement que c'est... Voilà. Voilà. J'ai trouvé que le scénario était bien ficelé, ça suivait bien, il y avait un bon enchaînement, c'était très bien rythmé, voilà, les rebondissements étaient bien amenés. Une vraie émotion s'en dégage, comme on l'a souligné, comme Quentin et Eddie l'ont souligné, c'est vraiment pas le cas chez Nolan. C'est la première fois qu'on voit faire ça et ça marche pour une fois. On l'a vu essayer, mais on l'a pas vu réussir. Et cette fois, on le voit réussir à nous faire ressentir des vraies émotions devant les personnages. Là, c'est vraiment une apogée pour moi au niveau de direction d'acteur de Nolan. Ça fait plaisir, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Et ce film a aussi rabiboché avec Nolan, qui après Dark Knight Rises, que j'avais apprécié mais qui avait ses défauts, et surtout Man of Steel. Après, pour la défense du film, c'était pas facile de passer après The Dark Knight non plus. Hein. Non, mais c'est sûr. C'était très compliqué. Mais Dark Knight Rises, il y a vraiment des points. Il y a des gros problèmes. Ouais, il y a des gros problèmes, mais il y a aussi des super bonnes idées qui sont. Super bien exploité et des fois des super bonnes idées. Donc qui toi, sont mal Catwoman exploitées. Catwoman en Anna Taoué, ça te. Non. Enfin, Anna Taoué en Catwoman. Ouais, Anna Taoué. Elle se balade souvent. Excusez-moi, Dieu. Ça va. Elle se balade souvent à Los Angeles, tu sais, avec son... Elle se balade souvent. Catwoman se fait passer pour Anna Taoué, hein. Ouais, ouais. Ouais. On le sait peu, mais... c'est... Voilà. On ne nous dit pas tout. Voilà. Et du coup, bah, on va vite finir sur la musique d'Hans Zimmer. Je suis vraiment pas tout le temps fan de son travail, surtout ces derniers temps. Mais là, c'est vraiment impressionnant, surtout bah, à cause vraiment de... très, très bien. De l'histoire de la création de la musique, en fait, bon, je vais vite résumer. Il avait aucune idée de quoi le film parlait. Il avait juste reçu un petit papier sur lequel Nolan avait écrit les grandes lignes du film sans en dévoiler énormément. Et puis, il a réussi à pondre une BO qui colle parfaitement aux images et qui est épique et à la grandeur de l'Odyssée que Nolan propose. Bah, il nous rappelle, donc, voilà, Hans Zimmer, il nous rappelle quand même qu'il est un vrai artiste, quoi. Enfin. Ouais, bah, il était temps, hein. C'est, ouais. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est vrai, personnellement, mais... ça m'emmerdait, quoi, le voir qu'il se renouvelait pas, parce que tu sais qu'il est capable de faire. Ça se ressemblait tout le temps, et puis. Au bout d'un moment, bah, c'est... Moi, la BO, plus, franchement, elle m'a autant marqué que le score de Steven Price sur Gravity. Mm-hmm, ouais. C'est avec les chœurs comme ça. Alors, c'est vraiment deux BO différentes, mais ouais. Tu vois, elle me reste en tête toutes les deux, mm-hmm. en fait. Et ouais. C'est vrai que c'est un... De toute façon, quand une BO te reste en tête... C'est signe que ça a marché. Voilà, ça trompe pas. Voilà. Moi, j'ai à peu près tout dit. J'ai vraiment apprécié le film. Ouais, c'est proche d'un chef-d'œuvre pour moi, mais il y a peut-être quelques points qui sont... en demi-teinte. Tu vois, autant je reverrai 2001 plusieurs fois, parce qu'il y a toujours des trucs à découvrir. Autant Interstellar, tu vois, bon, je vais certainement le revoir, ouais. Peut-être une ou deux fois, mais je le reverrai peut-être pas plus, parce que, bah, au final, à mon avis, t'as tout compris, en fait. Ouais, peut-être, mais... T'as moins de part de mystère. Ouais, c'est vrai, mais à mon avis, il y a quelques petits trucs encore, il y a quelques petits thématiques, en fait, qui sont abordées et qui n'ont pas... vraiment eu de réponses, et ça c'est bien aussi de pouvoir se poser des questions après le film, voilà, que je reverrai vraiment Interstellar avec beaucoup de moi je pense que je me ferai plaisir et je l'achèterai en Blu-ray, ouais. Je pense que je suis impatient de le revoir. Oui, je trouve que c'est intéressant aussi de faire pour revenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le personnage de Cobb. Enfin, voilà, on n'était pas touché par rapport à sa quête de retrouver, voilà, ses enfants. Et là, en fait, ben, je pense qu'on peut faire un comparatif intéressant entre les deux. C'est quand même le personnage de Cobb et le personnage de Cooper se rapprochent quelque part. Mais c'est un peu comme si, en fait, c'était le côté émotionnel du personnage qui était développé cette fois-ci. C'est ce qui m'a plu, en fait. C'est toujours, ils ont un peu le même but, les deux personnages. Oui, parce que Cobb donne l'impression quand même d'être un papa assez aimant, et, ouais, voilà. Et on le sent, c'est ça qui est triste, puis, dans Inception, c'est qu'on ouais, le sent, voilà. Que ça lui fait de la peine, mais le problème c'est que ça, il y a rien qui nous est transmis, ouais, à nous, en fait. C'est vraiment froid, donc. Leonardo, il est bien dans ce rôle-là, il le joue bien, mais c'est vraiment au niveau de l'émotion, ça se traduit pas par rapport à nous, quoi. Il y a pas le chemin, ouais, se fait pas. Je pense que la première demi-heure d'Interstellar aide beaucoup quand même, Ben, à présenter, en fait, tous les personnages, justement, voilà. Alors que dans Inception, ça commence direct, y a pas vraiment d'introduction. Ah, c'est très hollywoodien, en fait, Interstellar, de ce côté-là. Mais en même temps, ça fonctionne. Eh oui, voilà, c'est donc, ça peut être très hollywoodien et puis fonctionner parfaitement. Et moi, je trouve que c'est le cas ici, hein, franchement. Donc, voilà. Si Hollywood nous faisait tout le temps des films comme ça, bah, qu'est-ce que ça serait bien. Ouais, c'est sûr. Du coup, bah, Nolan a réussi son coup, encore une fois. Ouais. Voilà, je pense que... Enfin, si vous avez quelque chose à rajouter ou pas... Ah non, non, très, très bien. Okay. Moi, j'ai une belle surprise. Oui, donc voilà, vous avez compris que ça a été une bonne surprise pour nous trois. Et du coup, on va passer aux bandes annonces du mois. Je me perds dans toutes ces rubriques, voilà. On passe aux bandes annonces du mois sans Quentin. You stuck up, half-witted, scruffy-looking... Nerf herder! You shit-kicking, stinky horseman horse-smelling motherfucker, you! You're a fucking secretary. Fuck you! Yeah, that's my message to you. Fuck you and kiss my ass. Dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Movies Nerd, qui détient le secret des anciens Mayas grecs, est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures d'être déçues au cinéma, car c'est la rubrique de la bande-annonce du mois. On est donc à la rubrique les bandes-annonces du mois. On est de nouveau de retour avec juste Eddy, cette fois, parce que Quentin nous a quittés. On va vous parler de deux bandes-annonces qui sont sorties ce mois de novembre. et qui nous ont plutôt marqué, on va dire. Mais moi, bon, du coup, mais vu qu'on enregistre assez tard, il y en a une autre qui est sortie en cours de temps et je reviendrai vite fait dessus, mais bien sûr, pas de problème. Ce sera très très court. Ouais. Donc, trois bandes annonces. Oui. Donc, du coup, la première, ça va être sur Jurassic World. Vous vous y attendez, je pense. Je pense. Là, on y coupera pas. On n'a pas le choix. Donc, avant de laisser la parole à Eddie, je vous dirige vers sa vidéo, son analyse vidéo qu'il avait fait sur moviesnerd.net, qui est très détaillée. Et si vous voulez plus de détails sur la bande annonce et tout ça, sur tous les petits détails qu'on a peut-être oubliés durant le podcast. Après, je précise quand même, c'est très détaillé, mais j'ai pas, j'ai pas bossé sur le film, j'ai pioché des infos quoi sur internet mais et j'ai essayé de réunir tout ça en petit condensé quoi. Si vous voulez apprendre un peu plus sur l'univers Jurassic Park ou apprendre un peu plus sur ce nouveau film qui va sortir en 2015. Je pense que la vidéo dédiée est une bonne façon de débuter. Je vais te laisser la parole sur tes impressions que tu as déjà données dans la vidéo, mais. Je vais faire court. Ouais. Déjà pour commencer, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est j'encourage les gens à lire les deux livres, Jurassic Park et Le Monde Perdu. Que je vais faire d'ailleurs. Ouais, Jurassic Park ou le parc Jurassic, je sais comment que c'est. Non, Jurassic Park, c'est bien marqué ça. Non, parce que dans le livre, c'est assez perturbant. Ils disent pas, le parc ne s'appelle pas Jurassic Park, mais le parc Jurassic. Et c'est un petit peu. Niveau traduction française. Ouais, il me semble que c'est pour ça. Mais j'ai l'impression de lire un peu un livre. Cette traduction obligatoire québécoise. Parce que chez eux, le film est sorti le premier en 93. Ouais, ça s'appelait comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et mais c'est obligé, c'est une loi là-bas qui les oblige à tout traduire. Au moins, ça nous fait rire. Ah, mais ça nous fait rire. Après, c'est quand c'est très littéral, ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est vrai. Alors, Jurassic World, je pense que ce qu'il faut se dire tout de suite, mais ça, vous l'entendrez si vous regardez ma vidéo. Ce qu'il faut bien se mettre en tête, je pense que c'est que. La volonté du réalisateur avec ce prochain film, c'est de vraiment ancrer la franchise Jurassic Park dans notre époque. Dans les années 2000, on dit que le parc est. Dans ce qu'on sait du scénario pour le moment, on sait que le parc est ouvert depuis 2005, qu'il a été racheté par une société, un riche milliardaire indien qui a acheté InGen, la société de John Hammond. Après les événements de Jurassic Park et tout le bordel qu'il y a eu avec le T-Rex lâché dans San Diego aussi. Et donc ça a été racheté, ils ont réussi à relancer le projet et maintenant en fait le vrai enjeu ça va être de est-ce que c'est possible vraiment de maintenir ces dinosaures en captivité. Alors apparemment oui, parce que le parc est ouvert depuis 2005, mais maintenant le truc c'est jusqu'à quel point on peut satisfaire le public avec des animaux disparus. Parce qu'en fait, ce qu'on nous explique un peu dans la bande-annonce, quand on la regarde entre les lignes, ce que j'ai envie de dire un peu, c'est qu'en fait le public qui vient à Jurassic World n'est plus est habitué à voir des dinosaures en fait. En quelque sorte. Et donc, pour satisfaire un public toujours plus demandeur, les généticiens du parc vont créer un dinosaure hybride qui va évidemment foutre tout le bordel sur le parc, je pense. Ce qui, possiblement, n'entraînera pas la fermeture du parc parce que si le film marche bien, il me semble que ça devrait être le premier d'une nouvelle trilogie. Ce qui pourrait être franchement intéressant au niveau des thématiques parce que, hormis le troisième film, Jurassic Park 3, c'est vrai que les deux premiers proposaient vraiment des enjeux très intéressants. C'est vrai qu'à la base, Jurassic Park, c'est une franchise grand public pour parler de choses assez controversées ou qui touchent à des sujets graves. En fait, le contrôle de la génétique, c'est. Et plus ça va et plus ça peut devenir une réalité. C'est vrai qu'on a déjà essayé de recloner des espèces disparues, alors pas des dinosaures ni des mammouths, mais moi je pense à un exemple tout bête, mais je pense au bouquetin des Pyrénées, et ils ont essayé de le cloner. Il a disparu il y a 10 ans et bon, ça n'a pas marché, mais voilà, on sait qu'il y en a qui bossent là-dessus. Et et ce qui fait la force de Jurassic Park, ça a toujours été ça aussi, c'est que c'est de l'anticipation, oui, mais c'est l'anticipation qui est presque plausible, parce que le seul élément particulier, bah, c'est évidemment les dinosaures et la façon de les ramener, mais la façon de les ramener à la vie, elle est expliquée de telle manière dans le film que bah, on aurait presque envie de croire que c'est vrai. Malheureusement, parce que, enfin, bah, ouais. Parce que dans un sens, oui, on est fan, donc je pense que bah, toute on a tous rêvé un peu de. Et c'est ça qui risque d'être vachement bien avec Jurassic World, c'est que bah, Colin Trevorrow, le réalisateur, nous fait un peu ce plaisir en fait. Dans un premier temps, il va nous montrer un parc qui est ouvert, qui fonctionne et qui est apparemment rentable. Hein, c'est une entreprise qui fonctionne bien. Et évidemment, bon, il va y avoir des soucis, mais c'est ce qui fait la force de Jurassic Park, c'est ça aussi. C'est on aimerait que ça soit réel, mais en même temps, on sait que c'est dangereux. Et les enjeux du film vont reposer là-dessus. Mais ça sera pas, je pense pas que ça soit très redondant par rapport aux autres, parce que c'est vrai, on peut se dire encore un Jurassic Park qui va nous montrer, enfin, qui va nous poser la question, est-ce que c'est bien ou pas de ramener des dinosaures à la vie ? En fait, en gros, maintenant, on sait que c'est faisable, mais la vraie question, ça va être bah, jusqu'à quel point, en fait, on peut contrôler la génétique avant que ça soit le bordel. Donc voilà, mais moi je suis très très confiant, enfin j'avais les larmes aux yeux en voyant la bande-annonce, j'attends ce film depuis que les suites de Jurassic Park 3 sont annoncées. En début c'était Extinction, le sous-titre et tout, et voilà. Logiquement ça devrait être un film Jurassic Park 3, parce que Jurassic Park 3 ça a été une catastrophe au niveau de la production, enfin, le script a subi des réécritures pendant le tournage, enfin, c'était un bordel pas possible, Spielberg était pas du tout, on a eu marre et du tout il était plus impliqué dans la réalisation, enfin dans la production, parce que c'est pas lui qui réalisait, mais et là on sent qu'il est plus présent et que en plus Colin Trevorrow semble avoir un certain respect du support d'origine. Il s'inspire aussi beaucoup des romans, c'est pour ça que j'encourage les gens à les lire. C'est que tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, les raptors qui ont l'air un peu domestiqués, en fait ils le sont pas du tout. Mais c'est des idées ça, qui sont déjà évoquées dans les romans. Et d'ailleurs, voilà, donc ça, c'est ce que je voulais préciser, c'est que moi j'ai repensé à quelque chose. Donc là on va partir un peu dans la thèse scientifique, et là je fais vraiment mon fanboy Jurassic Park qui imagine plein de trucs pour donner de la cohérence à l'univers. C'est pas grave, après ce sera à mon tour. Voilà, donc chacun son tour. C'est que à la fin de la bande-annonce de Jurassic World, on voit Chris Pratt, donc Star-Lord, qui n'est pas accompagné de Rocket Raccoon, mais qui est entouré de Vélociraptors. Donc on le voit à moto, à travers la jungle, et les Vélociraptors qui courent à côté de lui. Et c'est vrai que les Velociraptors ont toujours été les méchants, les dinosaures les plus intelligents et donc les plus menaçants, le plus grand danger que pouvaient rencontrer les personnages dans les films de Jurassic Park. Et ici, ils semblent beaucoup, pas plus amicaux, mais plus domestiqués. Ils ils sont à côté de lui, quoi. C'est ça. Et donc, Colin Trevorrow a bien précisé que non, c'était pas des animaux domestiqués, parce qu'on ne peut pas domestiquer des animaux comme ça, ils sont toujours dangereux. Mais en fait, Chris Pratt aurait apparemment lié une relation particulière avec eux. Et moi, ma petite théorie là-dessus, c'est que si on part du principe que les dinosaures sont les ancêtres des oiseaux, ce dont on est sûr maintenant, et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage que le film, pour le moment, ne semble pas proposer plus de dinosaures avec des plumes. Volant, on aura les ptérodactyles, les reptiles volants. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que ce qu'on en voit maintenant, c'est vrai que tout ce qui est hadrosaure et tout ça, même les gallimimus, c'est des dinosaures qui étaient logiquement censés avoir des plumes, les vélociraptors aussi. Et c'est vrai que le film de ce côté-là ne progresse pas beaucoup. Enfin, Jurassic World n'a pas l'air de montrer des. On a vu qu'une bonne annonce, peut-être que ce sera expliqué dans le film. Pourquoi ils mettent pas de plumes à leurs dinosaures ? Parce que ce sont des créatures, c'est pas des vrais dinosaures. Et donc moi, ma petite hypothèse sur ces raptors un peu domestiqués, c'est que si on part du principe que les dinosaures sont les ancêtres des oiseaux, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les oiseaux ? On fait ce qu'on appelle de la fauconnerie, à travers l'affêtage, en fait, c'est une technique qui sert à dresser en quelque sorte les oiseaux pour exécuter des spectacles, pour les entraîner, au Moyen-Âge on faisait ça pour les entraîner à chasser, les oiseaux de proie. Donc moi je pense que non, les raptors ne vont pas être domestiqués ni dressés, mais qu'il y aura un peu comme les fauconniers actuels qui entretiennent une relation particulière avec leurs oiseaux. Je pense que Chris Pratt, c'est un peu la même chose en fait. C'est un peu un fauconnier de Vélociraptor, en quelque sorte. Mm-hmm. Je pense que c'est l'explication la plus logique. Si on part du principe que bah, c'est des animaux qui ne sont pas si éloignés l'un que l'autre, en fait. Donc peut-être que c'est les mêmes techniques. Et je, moi, personnellement, je ne serais pas surpris qu'on découvre ça dans le film, qu'il nous explique sa relation à travers le médium de la fauconnerie, justement. Ouais, je pense que ça peut être une hypothèse qui se tient plutôt bien. Ouais, donc... maintenant à voir, mais voilà, je suis très confiant et je pense qu'il faut pas trop crier sur le film, il est en pleine post-prod, il sort dans 6 mois, donc faut commencer à le vendre. C'est sûr que la bande-annonce était moins sobre par exemple que celle de Star Wars, mais il y a un vrai travail de promotion à faire pour Jurassic World. Donc les images sont pas totalement finies, c'est sûr que pour le moment c'est pas forcément très joli, même si franchement on a vu plus moche. Non, on a vu plus moche, mais là, c'est parce que les gens sont assez tatillons, mais de toute façon, on sait qu'il y aura des animatroniques, donc voilà, je pense qu'il faut attendre. Et j'ai lu sur Internet qu'apparemment, il y aurait une deuxième bande-annonce en février. Ok, d'accord. Bon, donc, peut-être que je reviendrai dessus ou que je referai une vidéo, je pense pas, mais. De toute façon, on reviendra dessus un peu dans le podcast, à mon avis. Donc. Bah ouais, pour comparer un peu les deux. Mais c'est vrai que c'est des gros films, ouais, peut-être qu'on reparlera des anciens. Mm. Quand on sera arrivé au mois de juin, bah moi ce sera avec grand plaisir hein, de toute bah façon. Oui, bien sûr. Donc voilà un petit peu de quoi il en tourne de Jurassic World. Moi je suis très confiant. Mm-hmm. Et voilà, c'est un fan de la franchise qui vous le dit. Il y a plein de bonnes idées et c'est assez cohérent. Malgré ce qu'on pourrait penser au vu de ces images, non, c'est des trucs qui. Ils ne dénaturent pas la franchise parce que c'est vraiment des idées qui viennent des livres et. Et puis voilà, puis c'est Colin Trevorrow qui écrit son film, donc je pense qu'il n'a pas envie de faire non plus n'importe quoi. Le studio ne le laissera pas faire n'importe quoi non plus. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas, voilà, faut pas trop stresser, il faut attendre patiemment le mois de juin et puis voir ce que ça donnera. Ouais. Voilà. Ouais. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai à rajouter après ça? C'est un peu, j'ai un peu le même ressenti qu'Eddie. Je suis aussi très fan de la saga. Peut-être pas autant, mais quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais vraiment. C'était pas ému aux larmes, mais. Non, mais. Enfin, moi, c'est que Jurassic Park, ça vient du cœur, ouais, quoi. Voilà. C'est le premier film en live que j'ai vu, donc c'est pour ça que ça me touche autant. Moi, j'ai découvert Star Wars très tard. Ouais. Donc, j'ai pas eu la même approche que toi, en fait. Pour Jurassic World, c'est déjà un plaisir de retrouver la franchise. À ce niveau-là, après un Jurassic Park 3 très très bas, comme vous l'avez expliqué, surtout au niveau de la prod et tout ça, ça se ressent au niveau de la caméra, au niveau du film en fait. C'est ça, qui n'est pas mauvais en lui-même, même si j'accepte pas le coup du Spinosaur qui tue un T-Rex, ça n'a pas de sens, c'est complètement impossible, mais c'est vrai que ça fait du bien de. C'est vrai que Jurassic Park 3, c'était juste un gros film d'aventure, quoi. C'était tout. Et là, c'est pas trop de réflexion comme dans le premier et deuxième. Non, il n'y a pas d'enjeu, en fait. Ouais, ouais. Et c'est ce qui faisait pourtant la force des deux premiers films. Mmh. Et là, on sent quand même qu'ils ont envie de revenir à quelque chose de plus profond, surtout. Ouais. Donc, voilà. Très impatient de voir le film. Après j'ai été étonné par certains effets visuels un peu que je qualifierais de cheap, mais comme on a dit, c'est normal, c'est pendant la post-prod, et en plus on a vu bien pire, rassurez-moi, on a vu bien pire. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Jurassic World. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Puis en sachant qu'il y a des plans qu'on voit dans la bande-annonce qui ont été faits exprès pour la bande-annonce, La porte qui s'ouvre ou des choses. La porte, elle sera vraiment faite en vrai, en fait. Mm-hmm. Ça, il l'a expliqué, Colin Trevorrow. Alors, il y en a qui disent, mais si elle n'était pas faite en vrai, il ne fallait pas la montrer. La bande-annonce, quand on la regarde bien, on sent qu'elle est aussi pour être un peu dans l'hommage au premier film. Donc, il faut arrêter. Je comprends pas cette base de fans qui s'énerve comme ça. Je comprends qu'on puisse être fan hardcore. C'est un peu la même chose pour Star Wars. J'arrive pas à comprendre ça. Moi, j'étais tellement heureux de revoir ça. Peut-être que je suis trop indulgent, mais en même temps, ça m'empêche pas d'avoir un esprit critique aussi. Après, évidemment, peut-être qu'il y en a à qui ça plaît vraiment pas, qui s'attendaient pas à ça et qui sont déçus. Moi, pour le moment, tout ce que j'ai vu dans cette bande-annonce, c'est complètement. Pour moi, c'est vraiment la suite logique que pouvait prendre la franchise, parce que même si le parc est ouvert et qu'il fonctionne, c'est pas pour autant qu'ils oublient ce qui s'est passé avant, dans le scénario, en fait. Bien sûr. cette nouvelle histoire tient compte de ce qui s'est passé antérieurement. Je suis sûr qu'on reverra un peu le... Enfin, je suis sûr parce que j'ai vu ça sur Internet, mais on va revoir aussi quelques parties du premier Jurassic Park. Ah, on va revoir des ruines. En fait, là, sur Internet, il y a une photo qui a fuité, c'est la photo de la grille, en fait, qui, tu sais, quand ils arrivent dans le premier Jurassic Park, ils sont dans l'hélicoptère, ils descendent là, et ils prennent une voiture, ils passent, tu sais, dans des grilles, on voit qu'ils ferment des grilles, les mecs. Bah, c'est cette grille-là qu'on revoit. D'accord. Donc, okay. Bon, il y a quand même. Je pense que. Voilà, il y a un respect du support d'origine, et ça, c'est très important. Et puis Spielberg est derrière. Jurassic Park, il peut pas. Enfin, ouais, Spielberg, bon, c'est sûr, il a fait. On se rend compte qu'il peut faire des trucs très mauvais avec Indiana Jones 4, on sent qu'il peut pourrir une franchise, mais je pense pas. Là, franchement, je pense pas. Un truc aussi populaire et générationnel. Indiana Jones 4, c'est pas lui le pire hein, dans le lot. Qui a pourri le film hein. c'est pas vraiment. Non, c'est pas Spielberg, hein, pour le moment, j'ai pas peur. C'est vrai que je suis très confiant. Ouais. Peut-être que ça changera, hein, mais pour le moment, donc. Ben, on espère que tu ne seras pas déçu. Hein. Ah bah, de toute façon, vous le saurez tout de suite. Il n'y aura pas de souci. Hein. Ok, bon ben, on va passer à la deuxième bande-annonce. Bon, vous y attendez un peu. Depuis que j'ai commencé le podcast, j'ai que ce mot à la bouche, Star Wars 7. Et on a eu enfin, en novembre, le trailer plutôt, je vais pas dire bande-annonce parce que 25 jours après la fin du tournage. Le teaser. Ouais, donc ils ont bien bossé hein, ils ont bien bossé chez Bad Robot, c'est là où. Ouais. Enfin, c'est la boîte de J.J. Abrams pour sortir un trailer après 25 jours après le tournage. C'est vrai qu'ils ont pas chômé. Hein. Bon bah après ils avaient peut-être tourné les images exprès pour pouvoir le sortir au plus vite. Ce qui peut être compréhensible. Bien sûr, ils ont peut-être pas besoin de buzz sur Star Wars parce que. Oh non, mais, je m'étonnerais que le film se casse la gueule, franchement. Mais c'est toujours bien de voir les fans excités pour la franchise. Mais bon, il y a eu aussi quelques fans qui n'avaient pas. Pas assez indulgent envers le film. On prend surtout aux remarques racistes concernant le Stormtrooper qui sont vraiment très mais franchement ces gens-là mais cachez-vous quoi. Ouais, enfin mais vous êtes des débiles hein. J'ai pas peur de je le dis franchement c'est n'importe quoi. Je voulais dire idiot pour sembler un peu ça m'énerve je comprends pas ces mentalités comme ça. Pourquoi un Stormtrooper ne serait pas bref ça m'énerve. Et puis en plus dans les premiers films vous avez jamais vu en dessous leur casque donc arrêtez de vous exciter quoi. Puis l'acteur est très bien en plus donc voilà. On a parlé de ça, même si je voulais pas trop en parler, c'est pas grave. Le nouveau teaser de Star Wars, j'ai pleuré devant une bonne annonce, hein, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'attendais tellement ce film, c'est vraiment une des œuvres cinématographiques que j'attends, le plus en fait, parce que bon, quand Star Wars 1, 2 et 3 sortaient, même si vous savez un peu ce que j'en pense, mais. J'étais peut-être un peu trop jeune pour avoir cet enthousiasme. Tu parles de la prélogie ? Ouais, la prélogie. 1, 2, 3, je parle. Tu parles des épisodes dans l'ordre, quoi. Oui, parce que 4, 5, 6, j'étais pas né. Mais ben non. Donc voilà. Et du coup, je suis très très impatient de voir déjà la prochaine bande-annonce. Et puis, bien sûr, le film qui sort. Dans un an, dans le 25 décembre 2015, donc bientôt dans un an. Ah, ils le sortent, j'avais pas fait gaffe à la date, mais ils le sortent vraiment un 25 décembre. Normalement, c'est ça, si je me suis pas trompé, mais je suis. C'est en décembre, mais je sais plus. Je suis quasiment sûr que c'est à Noël. Je vais pas revérifier, moi. Et du coup, moi je trouve que les images trouvées pour illustrer le teaser sont super bien choisies. Les effets visuels sont vraiment impressionnants, surtout sachant que c'est. Que c'est encore en post-prod. Franchement, les images des vaisseaux spatiaux, déjà du nouveau droïde aussi qui a ramené pas mal de. le 18 décembre. Ouais. Voilà. Le 18, voilà. Ouais. Ouais. Le 25, ça aurait été surprenant. Quand même. Ouais. Bon, bah alors, dans 2 jours plus 1 an. C'est ça. c'est exactement ça. Donc, ouais. Voilà. Du coup, le petit droïde, moi je l'ai trouvé super. Enfin. Moi je l'ai trouvé très bien qu'il y ait plein de gens qui reprochent ça. Il y a aussi le sabre laser. Avec, j'ai trouvé qui, mignon le droïde. Ouais, il était vraiment sympa. Et puis ça change un peu de R2-D2. Il est sympa R2-D2. Mais... Bah, R2-D2 et puis c'est 3PO, c'est mythique. Voilà. Quoi. Enfin, ouais, bien sûr. Moi j'adore aussi. On, mais c'est vrai que ce petit droïde là, il est. Voilà. Ça a l'air sympa. Mais on les reverra, hein, oui, ces 3PO sûr. Et R2-D2. Mais oui, parce que de toute façon, les acteurs, enfin, au moins l'acteur qui joue ces 3PO, donc Anthony Daniel, oui. Fait partie du cast. Donc on va le retrouver, R2-D2. À mon avis, il n'y a pas de souci à se faire. On va le retrouver c'est aussi. C'est un peu Laurel et Hardy, quoi. Ils vont pas l'un sans l'autre. Donc, oui. Donc ça, et puis aussi le sable laser qui a fait polémique, entre guillemets, qui fait penser à une croix. Bon, il fait surtout penser à une épée. À une épée. Donc, il n'y a rien de surprenant. Il y en a certains qui voient un objet, enfin, un symbole religieux. Un signe ostentatoire. Voilà, c'est ça. Mais enfin voilà, moi je. C'est encore du chipotage pour pas grand chose. C'est ça. Et du coup, ben. Bon, ça, à la limite, ça me choque c'est... pas. C'est vraiment le tout le bashing là, non, sur non. L'acteur noir. Ça, ça, c'est vraiment du petit détail quoi. Mais sinon, ouais. Le pire, c'est quand même. On est d'accord, c'est le pire. C'est... Le pauvre acteur, ouais, quoi, c'est horrible. C'est... Enfin, franchement. Ouais, c'est n'importe quoi. Et du coup, ben voilà, je pense que. Enfin, j'aurais jamais tout dit, mais. Ben, j'ai confiance en J.J. Abrams. Moi, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce qu'il a fait de Star Trek. Moi, je suis. Je suis très fan de la série originale et j'ai trouvé sa nouvelle lecture super intéressante. Donc j'espère qu'il fera la même chose pour Star Wars. Ben voilà, je suis très impatient de découvrir dans un an et 2 jours. Voilà. Ben, moi concernant J.J. Abrams, je connais pas les. J'aimerais bien voir les anciens Star Trek, je les ai pas vus, j'ai pas vu la série. C'était pas très connu en France apparemment. Non, c'était vraiment pas très connu en France. C'est connu aux États-Unis par contre. Oui, oui, ce que tu m'avais dit hors caméra, c'est une culture, c'est un. Ouais. C'est une religion, oui. Carrément. Ouais, c'est ça. Les gens parlent le langage klingon. Ah ouais. Enfin, il y en a certains qui parlent le langage des klingons. Donc, klingons. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, voilà. Donc, ça va assez loin. Et mais c'est enfin voilà, ils font pas de mal à enfin ils font de mal à personne. Non, ils sont fans, ils quoi. Sont fans, ils sont comme les fans des Seigneurs des Anneaux qui ont appris à parler l'elfique. L'elfique, voilà. Mais moi J.J. Abrams, c'est un réalisateur que j'aime vraiment bien. J'adhère complètement au fait qu'il y en ait qui le surnomme le fils spirituel de Steven Spielberg parce que c'est totalement ça, je trouve. C'est vraiment un excellent metteur en scène. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux Star Trek qu'il a fait. Et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il fasse pas le troisième. Ouais, mais bon, après, il faut choisir. Voilà, entre Star Trek et Star Wars. Mais bon, on verra bien. Mais moi, franchement, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi Super 8, qui était vraiment un excellent film. Très, très bon. Et ouais, non, moi, ça me tente bien. Impossible 3, le premier. Enfin, oui. C'était son premier film. Ouais, qui est très bien aussi. Ouais, qui est très bien. Moi, j'ai préféré le 4. Mise en scène, mais... Après, bon, ça reste Mission Impossible. Hein, ouais, mais, voilà. Mais franchement, moi, je les ai en Blu-ray. Et c'est vrai que le 3 et le 4, là, surtout le 3, lui qui l'a fait, c'est très divertissant. Ouais. C'est efficace, quoi. Et je crois que c'est tout. C'est seul film. Il en a fait 4. Il en a pas fait tant que ça, J.J. Abrams. Mais il a beaucoup produit. Bah, il a fait Lost. Oui, en série, mais je parle aussi en film. Il a aussi beaucoup produit, je crois, Cloverfield ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Bon, après, j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais pas m'avancer. Mais voilà, donc moi, j'adhère totalement au style de J.J. Abrams. Je sais que beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais que certaines personnes n'aiment pas son style. Et voilà. Ouais, il est producteur sur Star Trek 3. Ouais. Et il a été producteur sur un peu tout, tu vois, Morning Glory, Cloverfield, il a produit Mission Impossible 4. Donc, ouais. Et puis toutes ces séries qu'il a fait, Lost, Alias, Lost alias Fringe, et j'en oublie une, mais c'est pas grave. Donc, créateur, ouais. 5 séries, alias Lost. Fringe. Non, j'ai pas Fringe. J'ai Westworld qui sera en 2015 et ouais. Le 11-22-63, je sais pas ce que c'est. D'accord, mais okay. Non, j'ai pas. Il a peut-être produit hein, Fringe, ouais, mais je pense pas qu'il l'ait créé. Ah, oui. Almost Human, Revolution, Alcatraz. Je suis sur Sens Critique. Hein. Ouais, non, je vois pas Fringe. Non. Bon, bah, c'est pas grave. Mais voilà, donc. Je pense que j'ai tout dit par rapport à la bande-annonce de Star Wars. Si tu as quelque chose à rajouter, sinon passe à la troisième. Moi, je suis très curieux. J'aime beaucoup Star Wars. J'ai vraiment du mal avec la prélogie, mais j'aime beaucoup les bah, en fait, ceux qui précéderont cet épisode-là. Ouais, donc, j'espère 4, que 5, je suis assez clair. C'est pas évident, hein, Star 4, 5, Wars. 6, tu dis 4, 5, 6. 4, 5, 6, voilà. À partir d'un nouvel espoir. Ouais. Voilà. Donc, ouais, moi, je suis assez curieux. Cette bande-annonce m'a vraiment bien plu. J'ai bien aimé le côté, justement, sobre. Super cut. Ouais, ça m'a bien plu. Ouais. C'est vrai que c'est assez bateau parce que c'est la grosse voix avec quelques images. Par contre, c'est vrai que dès que la musique de Joe Williams repart avec le Faucon Millennium, c'est ces petits frissons, quoi. De pouvoir, surtout de pouvoir l'entendre. Je suis super impatient de pouvoir l'entendre au cinéma, en fait. C'est surtout ça. De pouvoir enfin l'entendre au cinéma, cette musique, parce que. Moi, j'espère. Alors, comme pour Jurassic Park, j'espère qu'avant la sortie des films, ils feront les cinémas feront des rétrospectives. Oui. Ah, ce serait tellement. Ce serait ça, tellement j'aimerais bien. Bien des films comme ça, j'aimerais bien les voir. Ils l'ont bien fait pour le Hobbit, donc. Il a fait le Seigneur des Anneaux. Alors, moi, je sais que le. Bon, là, on est le 16 décembre. Le Hobbit est sorti. Ça va faire une semaine qu'il est sorti. Je sais que mon cinéma ce week-end faisait une rétrospective des trois Hobbits à la suite. Ah, c'est bien. Et j'ai pas été parce que les jeux je les connaissais bien puis je les avais déjà vus en salle, mais donc j'ai vu que le troisième le mercredi moi, et on en parlera mais dans un autre podcast. Ouais, dans un podcast hors série. Voilà, quand Axel aura fait son travail. Ouais. Le Seigneur des Anneaux, non, mais après c'est peut-être plus dans les grandes villes. Ça avait été fait au Rex à Paris, hein, le Seigneur des Anneaux. Donc je pense que Star Wars, ils feront des trucs comme ça quand même. Je pense et j'espère énormément. Ce serait tellement bien, mais voilà. Je les vois bien faire ça sur deux jours, tu vois. Trois films un jour, trois films l'autre jour, et puis le... Ouais. Bon, après, je sais pas si j'irai voir la prélogie au cinéma, mais... Enfin, non. Mais moi, Jurassic Park, je n'ai jamais vu au cinéma, même pas la version 3D, et là, là, c'est clair que j'y vais. Ouais. Si je peux, oui... Voilà, donc on a tout dit sur Star Wars. Moi j'attends impatiemment la prochaine bande-annonce et surtout dans un an et deux jours. Voilà. On passe à la troisième bande-annonce. Alors c'est Night of Cups, pardon. Okay. Le prochain film de Terrence Malick qui vient de tomber. Elle est tombée ah, non, oui, hier. Bah, oui, j'ai vu que tu avais posté ça sur Facebook. Mais j'ai mis que j'étais heureux sur mon mur Facebook. Oui. J'attends énormément ce film parce que Terrence Malick c'est un peu le réalisateur qui a changé ma vie entre guillemets avec The Tree of Life qui est un film que j'adore qui m'a bouleversé et donc j'attends énormément ce film et puis là on a une bande annonce très très malickienne mais en même temps on sent qu'il s'éloigne un peu de ce qu'il a fait d'habitude, il est plus underground et c'est assez surprenant venant de lui. Lui qui est un réalisateur qui parle beaucoup de la nature et c'est un réalisateur assez particulier, hein. Il fait beaucoup de films d'images et avec peu de dialogues ou des dialogues très très très calmes. C'est beaucoup de c'est assez philosophique en fait. Et moi c'est ce qui me plaît beaucoup parce que c'est un réalisateur qui, à l'inverse de Kubrick justement, est pas maniaque. Ouais, il est à fond dans les émotions en fait. Il est à fond dans l'émotion et c'est vrai que c'est pas du cinéma froid. Ça peut laisser de côté parce que c'est une forme très particulière. Ouais. Il fait beaucoup de trucs avec la narration décentrée, ce qui fait que l'image que l'on voit, c'est pas forcément raccord avec la voix off qu'il y a derrière. Mais ça, c'est super. Moi j'adore ça. Moi j'adore aussi. Donc, Et c'est vraiment un cinéaste de l'émotion et c'est vrai que parce que moi ce que j'aime chez lui en fait c'est que si tu veux c'est pour ça que j'ai autant adoré The Tree of Life et que c'est mon film préféré. C'est parce que c'est un réalisateur qui pose des questions et qui te laisse le choix de faire ta propre interprétation. Alors Kubrick fait un peu ça aussi même si c'est un peu plus carré quand même. Mais Terrence Malick c'est que c'est tellement... C'est pour ça qu'il y en a qui aiment pas, parce que c'est peut-être trop évasif, justement. Mais je pense que c'est vraiment ça, de toute façon, c'est le genre de réalisateur, c'est tu t'adhères ou t'adhères pas du tout. Donc voilà, et cette bande-annonce, là, Night of Cups, déjà le sujet est intéressant, parce que ça va parler Ça parle d'un acteur, en fait, de ses déboires et tout ça. Et dans la bande-annonce, on voit certainement aussi qu'il va être question un peu de rédemption et tout ça. Donc, avec un beau casting, il y a Christian Bale, il y a Kate Blanchett et Natalie Portman en trois têtes d'affiche. Donc, Ouais. Et puis voilà, moi j'ai adoré la bande-annonce, parce que c'est vrai que voir Kate Blanchett ou Natalie Portman filmer comme ça de manière très onirique, parce que Malick, c'est quelqu'un qui sait vraiment filmer les corps. Voilà, moi je suis vraiment amoureux de ce qu'il peut faire avec la caméra. Donc ben voilà, c'est une bande-annonce que j'ai vraiment trouvé magnifique. Et je l'ai eue par surprise, quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle sorte comme ça. Donc il devrait sortir dans le début d'année, parce que le film part à la Berlinale en février. Ouais. Donc si ça se passe bien, il devrait sortir dans la foulée, quoi. Ah bah c'est super. Ouais. On va pouvoir parler de Terrence Malick. Ouais, peut-être que je reviendrai sur The Tree of Life. On va sûrement revenir. D'ailleurs, je l'ai toujours pas vu, donc absolument que je le vois. Après, pour ceux qui connaissent peut-être pas, peut-être pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément vu ces films, c'est donc son plus connu, c'est La Ligne Rouge. Le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde qui est assez connu. C'est ces deux films un peu plus hollywoodiens, moins indé en fait. Mm-hmm. Mais bon, c'est d'excellents films. Hein. La Ligne Rouge, c'est un chef-d'œuvre absolu. Hein. Mais c'est un cinéma très particulier. Il faut se sentir prêt, quoi. Ouais. On a à peu près tout dit. Donc, on va passer à la fin du podcast. Déjà, on va retrouver Quentin pour la fin du podcast. On est donc à la fin de ce podcast, qui a une bonne petite durée à mon avis. On espère qu'il vous a plu, merci de l'écouter. Je vais vous rappeler un peu les informations où vous pouvez retrouver. Déjà, vous pouvez nous retrouver sur le site moviesnerd.net, c'est là où on est tous. Ensuite, il y a le Twitter, @movies_nerd, il y a le Facebook, il y a Google+. Il y a la page iTunes où vous pouvez nous noter pour nous faire monter dans le classement des podcasts, on ne sait jamais. Sur SoundCloud aussi, où il y a les derniers podcasts qui sont postés. Je voulais remercier Eddie et Quentin qui ont repris leur temps. Parce que je suis tellement un boulet que j'ai perdu les j'ai foiré les enregistrements. Ouais, mais au final, tu vois, on a mieux bossé cette fois-ci. Donc, t'as bien fait d'être un peu boulet quand même. Ouais, donc, merci, c'est gentil. C'est toujours sympa. De se faire traiter de boulet, oui, moi aussi, j'avoue. Mais... moi, c'est. Du coup. Non, c'est pas grave. Vas-y, Eddy, au lieu de faire le malin, raconte-nous où on peut te retrouver. C'est agaçant. Hein. On peut me retrouver sur Movies Nerd, on peut me retrouver sur Sens Critique, donc Eastark, sur Twitter. Même si c'est rarement Eastarkville, je me mélange dans tous mes noms. Hein. Et puis, sur YouTube aussi, vu que vous m'avez vu maintenant, si vous me voyez dans la vidéo, il y a ma petite chaîne YouTube, mais bon, elle est moins axée cinéma, on va dire, mais il y aura peut-être d'autres vidéos comme ça, donc si vous voulez. Sur YouTube, c'est Eastarkplay. Donc voilà. Et donc, vous pouvez me retrouver sur Magis Nerd, Sens Critique et Twitter. Donc Sens Critique, c'est Quentin Penel. Et Twitter, Geek of the Galaxy. Voilà. Ok, d'accord. On va juste. Je l'ai déjà fait le dernier podcast, je vais le refaire. Hein. Désolé. Eddy a profité pour faire de la pub pour sa chaîne. Moi, je vais faire une pub pour un court-métrage qu'on a réalisé avec des amis qui s'appelle De Haut en Bas, qui est retrouvable sur YouTube. Qu'on a réalisé en deux jours moi j'ai juste été le preneur de son et le mixeur sur le film et c'était une super expérience. C'était mon premier court métrage, donc allez le voir si ça vous intéresse. Ça dure 10 minutes, voilà, c'est, C'est peut-être un peu long, je sais pas, mais pour la génération internet, tu sais, on sait jamais. Oh, mais 10 minutes, non, ça va quoi. Oh. Ouais. Si vous écoutez nos podcasts de 2 heures, vous pouvez regarder un film de 10 minutes. Je pense que ça devrait le faire. Du coup, voilà, ben, je vous invite à aller voir ça. Et puis, ben, aussi, ben, à partir du 22 décembre, je crois, on commence la Christmas Week sur Movies Nerd. Donc, un podcast tous les jours, jusqu'au 26, pour vous présenter un film de Noël comme pour la Halloween Week. Il y aura aussi quelques critiques et quelques émissions spéciales. Plus, comme on voulait spoiler avant, on va tout de suite le dire, on fera un hors-série sur le Hobbit dès que je l'aurai vu, c'est-à-dire ce week-end. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. On a tout dit pour ce podcast. Encore merci de l'avoir écouté et ben on vous dit ben dans une semaine pour le prochain podcast pour Noël et dans une ou deux semaines pour le podcast sur le Hobbit. Allez, salut. Salut.